plein de soleil. Conditions estivales, 25 à 28 degrés, voire localement même 30 degrés. En Campine, notez que le ciel deviendra un peu plus nuageux en soirée. Puis vendredi, quelques passages nuageux, mais toujours de belles éclaircies, un tout petit peu moins chaud, 20 à 25 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Incertitude pour les 1600 employés d'Etias et pour les travailleurs du groupe Belfius. On évoque un rapprochement entre les deux structures. Les syndicats sont évidemment très inquiets. Les GAC, les groupes d'achat collectif, bientôt contrôlés par l'AFSCA, l'Agence pour la sécurité alimentaire. L'agence et son ministre se veulent rassurants, mais ceux qui organisent la vente directe en circuit court, eux, ne sont pas du tout rassurés. Peut-être que la meilleure façon pour l'AFSCA d'aider ces initiatives, c'est de ne pas s'en mêler. La pilule du lendemain, une solution de secours, mais pas un moyen de contraception. Les jeunes filles qui vont la chercher dans les pharmacies se font parfois rappeler cette information assez vertement. Les plannings familiaux aimeraient pouvoir eux aussi diffuser légalement cette pilule du lendemain. Dans ce journal aussi, la mésaventure de 160 touristes qui partaient hier vers Corfou. Et puis un petit coup de projecteur sur l'émission Questions à la Une de ce soir. Nous rejoindrons Franck Istas, le patron de l'émission En fin de journal. C'est l'heure du journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. D'abord, cette agression à Molenbeek. Oui, deux policiers ont été attaqués au couteau. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Les faits se sont passés dans le parc Bonnevie en début d'après-midi, Philippe Carlo. Une mère de famille promenant ses enfants dans le parc Bonnevie alerte une patrouille d'îlotiers. Elle signale aux policiers la présence d'un homme armé d'un couteau de cuisine. Les agents se dirigent vers le suspect et sont immédiatement agressés. L'un des policiers reçoit plusieurs coups de couteau, mais est protégé par son gilet pare-balles. L'autre agent ne sera touché qu'une seule fois, sans dommage également. L'homme prend la fuite avant d'être intercepté par une autre patrouille. Selon les informations du parquet, il s'agit d'un homme en séjour illégal en Belgique. Il a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire, dont le dernier, au mois d'août de cette année. Il est également connu des services de police pour des faits de délinquance. A priori, son acte n'a aucun rapport avec le terrorisme, même si ses motivations demeurent inconnues à ce stade. La France a-t-elle échappé à un attentat? Deux hommes, en tout cas, sont sous les verrous depuis hier à Paris. On a retrouvé ce week-end 5 bonbonnes de gaz dans leur véhicule. Véhicule sans plaque, garé pas loin de l'église Notre-Dame de Paris. Un des deux hommes est fiché S, c'est-à-dire signalé comme radicalisé. La section antiterroriste est chargée de l'enquête. Après Caterpillar et AXA, les employés d'ING et d'Etias risquent de vivre des moments difficiles. Et ceux de Belfius aussi. Ce matin, chez Etias, l'assureur, ça s'est agité. Le directeur Bernard Thierry a été remercié. Et on parle de plus en plus d'un rapprochement entre Etias et le groupe Belfius. Ce serait un bain de sang social, selon le secrétaire général du CETCA, Jean-Michel Capoun. On a l'impression que tout à coup, le gouvernement sort de son chapeau une solution sans en mesurer réellement l'impact social désastreux que ça peut engendrer, tant du côté des Tias que du côté des travailleurs de Belfius. Et moi, pour ce qu'il en est, bon, je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau de Belfius, sachant les efforts énormes que les employés, les cadres de Belfius ont fait ces dernières années, où Belfius, cette année, il est vrai, et tant mieux, sortait la tête de l'eau et pouvait quand même prévoir des mois un peu plus faciles, tout à coup vient à nouveau peser sur l'ensemble du personnel cette problématique d'une éventuelle fusion où il est évident qu'au niveau social, ça créera plus qu'un problème. Et du côté d'ING, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Une communication est prévue en octobre. Nous écoutions ici Jean-Michel Capoun avec Françoise Gillin. Les groupes d'achat collectifs dans le viseur de l'AFSCA. Les achats collectifs, c'est quand vous achetez vos légumes, vos fruits, vos yaourts directement chez le producteur via par exemple un groupe d'amis ou de voisins. Et l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, veut mieux encadrer ce type de commerce. Elle a sorti une circulaire en novembre 2015. À l'époque, c'est passé un peu inaperçu, mais aujourd'hui, certains se demandent si on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues. La polémique est arrivée jusqu'au Parlement. Le ministre Borsu a voulu rassurer tout le monde. Il n'y aura pas de tremblement de terre, dit-il, dans le monde des groupements d'achats alimentaires. Seules les personnes qui transforment les produits pourront être contrôlées, comme par exemple lorsqu'un colis de viande doit être divisé. Ça ne rassure pas tout à fait David Petit. Il est chargé de mission au réseau des consommateurs responsables. Cette réponse ne nous satisfait pas parce qu'elle explique juste que les groupes d'achat en commun à court terme ne vont pas être considérés comme illégaux. Heureusement, c'est déjà ça. Par contre, cela n'efface pas du tout la crainte que petit à petit les règles augmentent et que ce type d'initiative citoyenne soit tuée à petit feu, alors que les gouvernements, que ce soit régionaux et fédéraux, encourage ce type d'initiative, que ce soit par des discours ou par des actes, à d'autres niveaux. Et donc, on est dans quelque chose d'un peu schizophrène et surtout de contre-productif. Peut-être que la meilleure façon pour l'AFSCA d'aider ces initiatives, c'est de ne pas s'en mêler. Vu la structure de l'AFSCA et vu la structure des GAC, s'ils interviennent, je pense qu'ils vont contribuer à tuer à petit feu ce type d'initiative. Ce qui n'est sans doute pas ce qu'ils souhaitent. Des propos recueillis par Romain Bardet. Quel avenir pour les étudiants en première année de médecine ? Après l'arrêt du Conseil d'État de la mi-août qui mettait le concours sur la touche, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviendront. Apparemment, tous les étudiants qui auraient réussi les 45 crédits nécessaires sur 60 pourront passer en deuxième dans l'année supérieure, même s'ils n'étaient pas classés en ordre utile lors du fameux concours annulé. Seul problème, mais de taille, au vu des quotas imposés par Maggie Debloc, le nombre d'étudiants surnuméraires en médecine côté francophone pour l'obtention d'un numéro d'INAMI, ce nombre d'étudiants sera à nouveau en hausse. Qui dit pilule du lendemain dit parfois sermon du pharmacien. La pilule du lendemain, c'est celle qu'on prend après un rapport sexuel non protégé. C'est un moyen de contraception d'urgence, disponible en pharmacie, sans prescription. Mais voilà, dans certains cas, les pharmaciens ou les pharmaciennes sont un peu rudes. Il arrive qu'ils ou qu'elles culpabilisent les jeunes filles, voire les humilient. Simon Gérard, plusieurs témoignages vont dans ce sens. Oui, c'est arrivé par exemple à Romane. Romane, à l'adolescence, a eu un rapport non protégé. Elle passe à la pharmacie, et demande une pilule du lendemain, mais ça s'est plutôt mal passé. Je me suis fait insulter de tous les noms, à me dire « oui, il faudrait que tu apprennes à te protéger correctement ». Qu'est-ce que ça t'a fait ? Mais j'étais choquée, j'étais blessée, je trouve ça... Ils sont personne pour juger ce que nous on ressent, ou on a un cœur aussi, on est des humains, et je trouve ça dommage de juger... Au lieu de nous aider, de juger comme ça. Alors Simon Gérard, est-ce que ce genre de choses arrive souvent ? Mais impossible de trouver des chiffres objectifs, mais visiblement oui. En tout cas, Romane n'était pas la seule fille qui acceptait de nous témoigner. Témoignage qui interpelle Valérie Libert. Elle est responsable du centre de planning familial de Nivelles. Évidemment, ça m'interpelle et ça m'inquiète parce que on a tous le même objectif, c'est d'essayer de rendre accessible à tous la contraception et de déculpabiliser le public par rapport à cette utilisation-là. Donc oui, ça m'interpelle fort même. Alors les pharmaciens, Simon, bien sûr, vous les avez contactés, comment ils réagissent ? Ben, c'est difficile en tout cas pour eux de réagir sur ces cas bien particuliers sans connaître le contexte. C'est en tout cas ce qu'explique l'association pharmaceutique belge. Mais plus généralement, l'association défend son droit à sermonner, entre guillemets, les jeunes filles, dans certains cas en tout cas. Parce qu'il y a des abus, certaines jeunes filles prennent la pilule du lendemain comme si c'était un moyen de contraception comme un autre. Or, la pilule du lendemain, on le rappelle, ça n'est à utiliser qu'en cas d'urgence. Eh bien, vous entendrez le vice-président de l'association pharmaceutique belge dans le journal de 18h de Delphine Vreux. Une croix, un anneau en or mais sans pierre précieuse volé au musée de l'abbaye d'Orval en province de Luxembourg. C'est la première fois que ça arrive à Orval et c'est un vol de connaisseurs selon les frères de l'abbaye. Les deux objets étaient dans une vitrine sécurisée. Il n'y a pas eu d'effraction. Les cambrioleurs ont probablement agi en plein jour et savaient très bien ce qu'il faisait. Les deux objets appartenaient à Bernard de Montgaillard, figure historique de l'abbaye. Est-ce qu'on a des nouvelles du stock de bière ? Eh bien, apparemment, il n'a pas été touché par ce vol. Deux affaires de foot devant les tribunaux ce matin. Oui, un joueur de foot amateur de 22 ans a écopé de 250 heures de travail. Il avait blessé un arbitre lors de la rencontre Bassange-Juprel en avril 2015. Le joueur n'avait pas accepté la deuxième carte jaune de l'arbitre. Il lui avait asséné un coup de poing au visage. Résultat, commotion cérébrale pour l'arbitre et peine de travail donc pour le joueur violent. Deux autres joueurs de la JS Pierreuse sont également également condamné à de la prison avec sursis cette fois pour avoir participé à une bagarre en septembre 2012 lors du match JS Pierreuse Club de Limon. Les deux joueurs avaient déjà été radiés à vie de leur activité de foot. Il faut dire que les faits étaient là très graves. Une des victimes avait eu les vertèbres cervicales brisées. Ce voyage mouvementé pour 170 Belges, ils ont décollé hier après-midi de Zaventem, destination Corfou, et à l'heure qu'il est, ils ne sont peut-être pas encore à bon port. Deux vacanciers nous racontent leur mésaventure. Arrivé à Corfou, il ne pouvait pas atterrir à cause des perturbations, donc il a fait deux fois le tour de Corfou pour atterrir à Athènes. Et donc de là, on a dû attendre à Athènes qu'il refasse le plein en fait. Voilà. Et pourquoi refaire le plein? Pour revenir? Pour dire de revenir, parce qu'en fait, il y a eu 40 avions qui ont atterri là-bas, tous les hôtels étaient complets, et il fallait refaire le plein de carburant, le plein en boisson, ou je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre à faire. Et donc, du coup, on est revenu à Bruxelles vers... Vers 3h. On est arrivé vers 3h, on nous a logés au Kranz Plaza. Et voilà, c'est tout. Après. Ça vous fait un jour de congé en moins? Bah ouais, voilà, c'est ça, ça fait déjà un jour de perdu. Des propos recueillis à Zaventem cet après-midi par Kamel Azouz. On repart vers Rio dès ce soir. Oui, pour les Jeux Paralympiques. Moins de caméras, moins de paillettes qu'au JO du mois d'août, mais tout de même, c'est un gros événement sportif qui commence aujourd'hui. 4300 athlètes de 161 nations. Ouverture officielle ce soir dans le mythique stade Maracana. C'est jusqu'au 18 septembre. La Belgique vise 7 médailles, comme à Londres en 2012. Cérémonie officielle à 22h50, heure belge, et c'est à voir sur la 2. Juste avant, le retour de questions à la 1 ce soir sur la 1, avec des questions qui nous taraudent tous sur le travail. Le travail peut-il nous rendre malades ou au contraire, le travail peut-il nous rendre heureux? Ce sera les deux questions du jour dans Questions à la 1, mais pas seulement parce que le magazine d'enquête de longue haleine s'est penché sur de l'actu chaude, cette fois, comme on dit dans notre jargon. Avec nous, Franck Istaz, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler boulot ce soir dans Questions à la Une. Et l'actu vous a en quelque sorte rattrapé. Vous allez parler d'un sujet d'actualité, c'est la fermeture de Caterpillar. Oui, en fait, notre antenne est entièrement consacrée au travail. Et c'est vrai que l'actu nous rattrape avec des gens qui perdent leur travail. Donc, tous ces employés ouvriers de chez Caterpillar qui se retrouvent sur le carreau, plus d'autres personnes en sous-traitance qui vont perdre leur travail aussi. Donc, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc dès vendredi, dès l'annonce de cette nouvelle de la fermeture de Caterpillar, on a envoyé nos équipes pour passer des jours et des nuits avec ces travailleurs. Ok, donc on verra ça ce soir. Sinon, habituellement, Question à la Une, c'est une émission qui prend le temps de l'enquête. Et là, vous avez été assez loin sur deux questions. Le travail peut-il nous rendre malades? Peut-on être heureux au travail? Alors commençons par ce travail qui nous rend malades. C'est quoi? C'est le burn-out? C'est tout ça? C'est le burn-out, c'est la maladie du travail. Certains disent que c'est le nouveau mal du siècle. En fait, c'est vrai que les chiffres sont vraiment interpellants. Je ne m'attendais pas à des statistiques pareilles. 80 000 cas de burn-out supplémentaires en Belgique chaque année. Le nombre de burn-out a doublé depuis 2007. Ça coûte des centaines de millions d'euros à l'INAMI. Et c'est vrai que les témoignages qu'on a recueillis sont vraiment très, très intéressants. C'est des personnes qui sont vraiment... un burn-out, c'est une fusée qui explose parce qu'elle brûle trop vite son carburant. C'est une allégorie qui fonctionne avec les travailleurs. Ils explosent vraiment en plein vol. On va écouter d'ailleurs un témoignage. Ouais. Je me sentais vide, je me sentais, déconnecté de tout. Et finalement, j'étais déconnecté de moi-même, déconnecté de ma fatigue, de mon émotion, de tout ce qui aurait pu... me mettre sur la voie et me dire « Allez, maintenant, réveille-toi ». Oui, Franck Istaz, patron de Question à la Une, c'est totalement interpellant ce genre de témoignage et vous en avez plusieurs dans le reportage. Oui, et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce sont des personnes qui ne se sentent pas mal dans leur travail. Ce ne sont pas des personnes qui râlent tous les jours, qui sont mécontentes. Non, elles aiment leur travail, elles sont très perfectionnistes. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont fatiguées jusqu'à arriver à la cassure et généralement, ils ne peuvent pas reprendre le même travail après. Ça prend extrêmement longtemps avant de pouvoir guérir. Alors, il y a une autre question qui est un petit peu plus réjouissante, on va dire, c'est peut-on être heureux au travail? Oui, vous avez des exemples. Ah bah oui, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. C'est ce qu'on appelle des entreprises libérées. Ils sont quelques dizaines en Belgique et en France et elles veulent absolument favoriser le bien-être de leurs travailleurs. Mais ces entreprises sans patron, quoi. Voilà, mais ça va très loin. Hein. Il n'y a pas de chef, tout le monde est sur un pied d'égalité, on peut faire ses horaires comme on veut. Mais encore plus fou, on a été filmé à un bureau d'avocat où... On s'augmente, on choisit son salaire soi-même. Donc, ce qui est vraiment aussi très étonnant, c'est qu'on manque de recul par rapport à tout ça pour l'instant, parce que ça n'existe pas depuis longtemps, mais ça semble vraiment favoriser non seulement le bien-être des travailleurs et des employés, mais surtout les performances des entreprises ou des sociétés. Donc c'est win-win pour tout le monde. Merci Franck, et on suit ça bien sûr ce soir en télé après le journal télévisé. J'ai une petite question pour vous Manu. Connaissez-vous une jeune demoiselle prénommée Emma ? Bah forcément, j'en connais même un paquet, rien n'est plus normal. Pour la 3e année consécutive, Emma, la 13e année consécutive, Emma est en tête des prénoms de filles en Belgique. Chez les garçons, ça fait 3 ans que Louis est le prénom le plus souvent choisi. Si on divise par pays, eh bien en Flandre, c'est Louise et Lucas qui arrivent en tête. En Wallonie, c'est Léa et Louise. En région Bruxelles-Capitale, c'est Nour et Adam. À la rédac qu'on a fait dans l'originalité, je vous donne un petit peu les coulisses. Les bébés, les derniers bébés s'appellent Lynn, Moïse, Charline, Abel et Robin. Ah bah c'est bien mignon tout ça. On n'est pas dans le top habituel. Mais pas dans le classement, effectivement, on est à côté. Et le fait de savoir que Emma est toujours en classement permet de ressortir une bonne vieille blague. Toc, toc, toc, qui est là ? Emma. Et Maki et Macumba, Macumba, ah, elle danse tous les soirs. Je ne pas cette petite blague, j'aurais pas pu vous aider sur voilà. Ce coup-là, un grand moment de solitude. Oui, bah effectivement, là-dessus, on va enchaîner, on va passer au RTBF Mobile Info tout de suite. Que se passe-t-il sur les routes ? Bonsoir Antoine Bidamé. Bonsoir, eh bien on a pas mal de ralentissements engendrés par des travaux. Tout d'abord, le chantier de Cheurat sur le 40, Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Des files entre Halleur et Cheurat, vous perdez une heure en direction d'Aix-la-Chapelle. Et puis ce qui vous pose vraiment souci à l'heure actuelle, c'est le chantier sur l'E19 Bruxelles-Mons entre Arken et Feluy. Vers Mons, vous perdez actuellement plus d'une heure et demie avec des files qui remontent jusqu'à l'échangeur d'eau titre et donc des soucis sur le ring également et des répercussions sur la N27 venant de vers Mons, pardon, vous perdez là une dizaine de minutes. Au niveau du ring de la capitale proprement dit, un accident s'est produit en circulation extérieure à hauteur de Zaventem, bande de droite neutralisée vers Grand Bigard. Résultat, sur ce tronçon, vous perdez actuellement une quarantaine de minutes. C'est beaucoup plus calme en circulation intérieure, heureusement. Grand Bigard-Zaventem, moins de 10 minutes perdues actuellement. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et il va faire chaud dans cette émission aujourd'hui, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une vidéo qui est en train de faire un buzz énorme sur YouTube. C'est deux demoiselles qui ont décidé de tester le piment le plus fort du monde. Vous entendrez dans un instant dans quel état elles terminent cette aventure. Et puis surtout, nous allons retenter le défi ce soir dans le 5 à 7. Restez bien là, je vois Manu qui est en train de s'inquiéter. Eh bien, vous savez quoi Manu ? Vous avez bien raison de vous inquiéter. On fera ça dans quelques minutes. J'espère que vous serez déjà partis, sinon vous aurez la bouche en feu. On va parler aussi tout à l'heure de quelque chose qui se mange, les vaches, voilà, ça vous arrive de manger un bon steak, eh bien peut-être que prochainement vous mangerez un steak de vache qui a été élevé à la bière. C'est une nouveauté, ça arrive du côté de Chimay. Alors qu'est-ce que ça va apporter à la viande ? On sait qu'au Japon, il y a le fameux bœuf de Kobe qui est déjà un peu alcoolisé. Alors il n'est pas nourri à l'alcool lui en l'occurrence. Ici on verra ce que ça donne des vaches qui boivent de la bière. Ce sera tout à l'heure dans le 5 à 7. On fera un petit tour aussi du côté des Pays-Bas où il y a un nouveau projet qui vient d'être lancé, un projet de maison qui se coupe en deux. L'idée c'est que si vous divorcez un jour, ben voilà, il n'y a pas besoin de déménager. On sépare juste la maison, c'est une maison flottante en plus, donc chacun va de son côté et il n'y a plus rien à faire. La maison est pensée pour être déjà séparée en deux. Il y a Ophélie Fontana qui viendra nous voir tout à l'heure pour l'image du jour comme tous les soirs dans le 5 à 7 et puis on parle de prénoms cet après-midi. Les prénoms et le classement, on revient dessus juste après la pause. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris ? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! Wouh ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. T'inquiète même pas. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invités aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Vivacité. Elle a oublié de mettre Louis dans sa chanson Zazie, en tout cas dans l'extrait qu'on écoute, puisque Louis est le prénom masculin le plus donné en 2015. Emma, le prénom féminin, le classement est tombé il y a quelques minutes, on vous en parlait dans le journal de 17h. Alors justement, quels sont vos prénoms? Les prénoms les plus originaux que vous avez déjà croisés, les envies de prénoms que vous avez pour vos futurs enfants? Comment vous appelez vos enfants? On en parle cet après-midi. 3063 par SMS et il y a Florine qui est avec moi au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors vous avez un beau prénom déjà, mais il y a une particularité avec votre prénom. Oui, ben voilà, je m'appelle Florine et j'habite à Florennes. Ah ben c'est drôle ça. Déjà à votre naissance, vous habitiez déjà là-bas? Oui, j'ai toujours habité là-bas et mes parents ont toujours habité là-bas aussi. Donc. Vous leur avez demandé pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait exprès? Je sais pourquoi, ils n'ont pas fait exprès et je pense qu'ils n'ont pas pensé le rapprochement entre les deux. Ils ont rencontré une vieille dame qui était centenaire et qui s'appelait Florine et du coup ils se sont dit « Ah ben ça va sûrement lui porter une chance, on va l'appeler comme ça ». Ah ben c'est sympa, effectivement. Merci pour cette histoire, joli prénom. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt Florine. Au revoir. Au revoir, 3063 par SMS, vous me dites quel est votre prénom ou les prénoms originaux que vous avez déjà entendus. On va vérifier le classement bien sûr qui est sorti aujourd'hui. À 17h23, un autre classement. On quitte les prénoms Dominique pour parler de musique. Oui, c'est la plateforme de streaming musical Spotify qui a révélé les chansons les plus écoutées lors de cet été. Alors Spotify avait misé sur le tube d'Ariana Grande, Into You, mais il n'est pas du tout dans le classement. Dans le top 10 mondial, même pas dans le classement américain. Alors du coup, allez-vous me dire quelles sont les chansons qui ont été les plus écoutées cet été? Il y a par exemple en 9e position Mike Posner. You don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. Ah oui, sur son aventure à Ibiza, voilà, où il a pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre. I took a pill in Ibiza. Ouais, pas bien ça, pas bien malade, Mike Posner. On voit dans le clip. Numéro 5, l'indétrônable et l'incontournable de l'été, Justin Timberlake évidemment. Ah oui, ça c'est bon. Can't stop the feeling. Ah, je l'aurais mis numéro 1 lui. Mais là, il est que 5e. C'est déjà pas mal. Moi je l'aurais mis numéro 1 aussi. Puisque maintenant on va voir que dans le top 3, c'est pas forcément des trucs très dansants. Le podium, numéro 3, Sia, Cheap Thrills. Just you and me. Ah ouais. Ah, ça fait très vacances ça. Ah, ça va encore. Ouais. Numéro 2, Calvin Harris et Rihanna. What you came for. Ça a bien marché ça effectivement, tout le monde l'a passé. Et enfin, numéro 1, One Dance de Drake. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. C'est pas ce qu'on vous passe tous les jours sur Viva, mais c'est pas mal. On aurait mis Justin Timberlake. Ah oui, oui, effectivement. Bah, dites-nous si vous êtes d'accord avec ce classement, si vous, vous auriez mis autre chose en numéro 1. Bah, 3063 par SMS, n'hésitez pas. Vous, donc, votre numéro 1, Justin Timberlake. 17h24, on va parler de piment tout de suite dans ce 5 à 7. Vous avez déjà mangé des piments, Dominique ? Bon, comme tout le monde. Mais des piments purs, seuls ? Non. Non, jamais ? Eh bien, ça va peut-être arriver ce soir. J'ai envie de me maltraiter. Il y a deux youtubeuses qui ont fait un truc un peu dingue, c'est qu'elles ont mangé le piment le plus fort du monde. Elles ont 18 et 22 ans et dans la vidéo, on les voit se tordre en deux et on les voit, entend hurler aussi quand elles le mangent. Ça fait pas du bien, hein, le piment. C'est-à-dire, on sent quand même par où il passe. Alors, c'est un piment qui est considéré comme 7000 fois plus fort que le piment rouge du Chili. On va en parler avec le professeur André Van Gossum. Vous êtes gastro-entérologue et responsable de l'équipe nutrition à Erasme. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Première chose, est-ce qu'il y a un risque à manger des piments super forts comme ça? Ben oui, il y a un risque évident. J'ai vu la vidéo. Bon, ben, c'est une expérience intéressante, mais un peu stupide parce que c'est vrai que dans les piments, il y a des différents types de piments qui sont plus ou moins puissants au point de vue de stimulation du goût. Si l'expérience est vraie, bon, effectivement, c'est au niveau de la bouche que ça se passe. Les piments contiennent en fait une substance qu'on appelle un terme la capsaïcine, c'est un terme un peu compliqué, c'est un alcaloïde qui stimule très fortement les terminaisons nerveuses sensorielles au niveau de la bouche, ce qui nous aide à goûter, à avoir la sensation de chaleur ou de froid. Donc c'est très très stimulant et certains piments ont un score de Scoville qu'on appelle, certains piments seraient 100 000 fois plus puissants que le poivron classique que tout le monde connaît. Ah oui, quand même. Donc tout à l'heure, on a prévu de tenter une expérience, alors pas avec le plus fort, mais avec des piments dans l'émission. Vous déconseillez qu'on le fasse alors ? Je vous le déconseille, effectivement. Eh bien, comme on est un peu stupide, on va quand même le faire tout à l'heure. Si jamais on mange quand même ces piments, parce que ça, on verra sur qui de l'équipe ça tombera tout à l'heure, il faut faire quoi pour faire passer ça ? Non, mais si jamais quelqu'un ingère des piments qui sont très, très, très puissants, riches en cette capsaïcine, il faut boire, il faut diluer, il faut boire, mais en recrachant l'eau, bien entendu, pas en avalant. Ah oui, sinon ça va brûler la gorge. Il faut diluer. Le seul moyen, c'est de diluer, donc boire abondamment et recracher. Alors, sur la vidéo, j'ai vu qu'une des jeunes filles crache en recevant à peu près toute l'eau qu'elle recrache sur le visage et sur les lèvres, ce qui est évidemment pas du tout conseillé parce qu'elle va évidemment brûler ses muqueuses buccales et les lèvres en plus. Eh ben c'est rassurant pour la suite de cette émission. Merci professeur. Voilà. On entend bien votre avis de ne pas le faire. On verra qui dans l'équipe devra quand même réaliser ce défi tout à l'heure. Merci professeur, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. 17h27 dans la suite de ce 5 à 7. Plein de bonnes choses qui arrivent. On va parler de sport. Les JO c'est terminé. Oui, mais sauf qu'il y a les nouveaux qui arrivent. Les nouveaux JO, les Jeux Paralympiques. 15e édition, ça démarre ce soir. On part à Rio dans un instant. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Waterloo, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 14 à 17h, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Ménil. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis ça sentait bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur. parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape liégeoise comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Cathy Melen dans sa cité ardente et le concert Debout Citoyen de l'Opéra Royal de Liège avec la participation exceptionnelle de Suarez et Alison Zerouf. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Voici les titres de l'actualité, c'est avec Manu Delporte. Avec cette incertitude pour les 1600 employés d'Etias et pour les employés aussi du groupe Belfius, on évoque un rapprochement entre les deux structures. Les syndicats sont évidemment très inquiets. Ce matin, on a appris que le patron d'Etias, Bernard Thierry, opposé à cette fusion, avait quitté la compagnie d'assurance. Etias, de son côté, refuse de communiquer pour l'instant. La pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception. Les jeunes filles qui vont la chercher essuient parfois des remarques assez fermes dans les pharmacies. Les plannings familiaux aimeraient pouvoir la distribuer légalement pour éviter les sermons inutiles. Les pharmaciens de leur côté rappellent qu'il s'agit bel et bien d'un médicament, à ne prendre qu'en cas d'urgence. Ils estiment que certaines adolescentes ou jeunes adultes ont parfois tendance à prendre le problème à la légère et que c'est leur job de le dire. On en parlera à 18h dans le journal de Delphine Vreux. L'inquiétude toujours pour les étudiants en médecine, les étudiants de première qui ont réussi leur année mais raté le fameux concours boucherie. Pourront-ils passer en deuxième ? Apparemment oui, puisque le concours a été jugé illégal. Cela dit, le problème reste entier à la fin du parcours, puisqu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, pas de numéro inami en tout cas. Les étudiants dénoncent les tergiversations politiques sur le sujet. Dans l'actu, Rio aussi est le début des Paralympiques. 4300 athlètes qui rêvent de médailles en ce moment, qui rêvent au moins aussi fort que les athlètes en présence au mois d'août pour les JO. Cérémonie d'ouverture sur le coup de 22h50 à suivre sur la 2. Et on en reparle dans un instant d'ailleurs dans le 5 à 7. Merci Manu. Si vous partez maintenant, vous échapperez à l'épreuve du piment. Qui est épicé. Ah bah ça tombe bien. Bah bonne soirée alors. Sur qui tombera le défi du piment ? On saura ça dans un instant, mais tout de suite c'est la météo, Dominique. Peut-être avec... sur vous ? Ah bah qui sait, c'est pour ça que je ne m'approche plus trop là. Si vous avez remarqué, je commence déjà à me barricader. La nuit prochaine, il y aura des étoiles à observer dans le ciel et des minima de 10 à 15 degrés. Donc on pourra s'installer confortablement. Et puis demain, du soleil toute la journée et de la chaleur aussi, 25 à 28 degrés, voire même localement 30 degrés en Campine. Attention, le ciel deviendra plus nuageux en soirée. Mais vendredi, quelques passages nuageux à peine pour gâcher les belles éclaircies dont on pourra encore profiter. Le vent va repasser au sud-ouest. Il fera un peu moins chaud avec 20 à 25 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Comment ça se passe cet après-midi, Antoine Bidamé ? Eh bien, c'est quand même assez compliqué. On va quand même commencer avec une bonne nouvelle. C'est une chaussée dégagée au niveau de Zaventem en circulation extérieure du ring de Bruxelles vers Grand Bigard. Mais le tronçon est toujours très ralenti. Zaventem Grand Bigard, vous perdez actuellement une heure. Circulation intérieure Grand Bigard. Zaventem, moins de 10 minutes perdues actuellement, ça va mieux. Par contre, si vous quittez Bruxelles, sachez qu'un accident s'est produit dans l'échangeur d'Autitre. Une bande est neutralisée quand vous venez du ring et que vous vous dirigez vers l'E19 en direction de Mons. Et sur cette E19, eh bien, c'est toujours très chargé entre Arken et Feluy. Des files sur 12 km suite à ce chantier à cet endroit-là. Vous perdez plus d'une heure vers Mons. Et autre chantier qui vous pose pas mal de soucis, c'est sur le 40 Bruxelles, Aix-la-Chapelle, le chantier de Chorat. Vers Aix-la-Chapelle, entre Longsaint et Chorat, comptez une heure de temps supplémentaire par rapport à d'habitude. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, je vais vous parler de vaches qui sont tranquillement installées à Chimay et qui, d'ici 2017, vont être nourries différemment que leurs autres copines en Belgique, puisqu'elles vont boire de la bière. Pourquoi ? Ben on en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. Je vous parlais tout à l'heure de ces youtubeuses, ces deux filles qui ont décidé de goûter le piment le plus fort du monde. Dans quelques minutes, ça tombera sur quelqu'un de l'équipe. Quelqu'un dans cette équipe devra goûter des piments et on verra si ça fait mal ou pas comme dans la vidéo. Alors vous choisissez qui par SMS au 3063. Je vous donne les noms de l'équipe. Il y a Sophie, il y a Dominique, il y a Françoise. Et moi je ne compte pas, je ne veux pas pouvoir parce qu'il faut que je reste quand même avec vous jusqu'à 19h. Donc 3063 par SMS, n'hésitez pas à choisir qui devra goûter les piments les plus forts dans quelques minutes. On parlera de sport aussi avec Jérôme Elguers, on parle des Jeux Paralympiques, cérémonie d'ouverture ce soir. Et puis il y a ce classement dans l'actu aujourd'hui, les prénoms les plus donnés en 2015 en Belgique. Du côté des filles c'est Emma, du côté des garçons c'est Louis. Quels sont les prénoms que vous adorez, les prénoms atypiques que vous connaissez? 3063 par SMS, on va tout de suite au standard. Trouver Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors vous, c'est pas pour votre prénom que vous êtes là, mais c'est pour votre fille. Oui. Comment elle s'appelle? Donc en fait, Amaryllis. Ah c'est sympa, ça c'est original, ça, l'idée comme vous est venue. Fleur. Ah ben voilà, les jolies en fait, fleurs. Mon mari est un fan de fleurs et il a toujours dit si un jour j'ai une fille, je lui mets un prénom de fleur. Donc j'avais dit oui comme ça et puis voilà, je me suis retrouvée enceinte et puis... Rose, Marguerite, et me dire non, moi si j'ai une fille, je l'appelle Amaryllis, et voilà. Ah bah donc c'est nous sympa. Avons une Amaryllis qui a maintenant 23 ans. C'est joli comme prénom, vraiment ça, c'est un beau choix, et heureusement que votre mari n'était pas fan de pissenlit, parce que ça aurait été beaucoup moins agréable à porter comme prénom. Bah ouais. Là, je vous souhaite une bonne soirée Isabelle, merci d'avoir fait un peu de radio cet après-midi, à bientôt. Vous aussi, vous me dites par SMS au 3063, quels sont les prénoms, peut-être un peu originaux vous connaissez, ou vos prénoms préférés. 3063 par SMS, je vous attends, et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux ? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. 17h-19h, 5 à 7, Viva sur Vivacité. Tous les jours sur Viva, juste après le journal de 13h, vous avez rendez-vous avec la vie du bon côté. Et demain, Sylvie Honoré nous dira comment être créatif pour se construire une vie positive. C'est vous qui avez tout ça entre vos mains. Alors demain, pour en parler, elle recevra en studio Jean-Marie Muller. Il est médium et conférencier suisse. Et si vous avez déjà des questions, si vous avez des témoignages pour Sylvie, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook La Vie du Bon Côté sur Facebook. Bah, c'est le principe d'une page Facebook. Elle est rarement ailleurs. Allez faire un tour là-bas ou sur vivacité.be. Et rendez-vous donc avec La Vie du Bon Côté demain dès 13h. 5 à 7. Viva. On va parler de sport tout de suite avec Jérôme Elguers. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Vous tombez au bon moment Jérôme, puisque le défi des piments rouges arrive, ça peut peut-être tomber sur vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est manger des piments et voir si on réagit bien ou pas. Voilà. Testera, il y a des filles qui ont testé ça sur YouTube et elles n'étaient pas bien après. On verra dans quel état quelqu'un de l'équipe sera tout à l'heure. Avant ça, on va parler de Jeux Olympiques et plutôt Paralympiques, même cérémonie d'ouverture programmée cette nuit à Rio. Oui, et moi j'ai eu envie de vous parler des stars de ces Jeux Paralympiques. Alors qui sont les Usain Bolt, Michael Phelps ou encore Teddy Riner chez les athlètes paralympiques? Cyril, est-ce que vous pouvez par exemple me donner le nom d'un athlète paralympique qui sera en compétition à Rio? Alors je voudrais bien. Mais c'est vrai que là, j'en ai pas à vous donner. Je vais vous avouer quelque chose. C'est vrai que c'est pas un cadeau parce que même nous, en rédaction, hormis quelques athlètes belges, c'était difficile d'avancer des noms. En fait, avant, il y avait une énorme star. C'était Oscar Pistorius, le coureur de 400 mètres et ses célèbres prothèses en forme de lame. Mais depuis, Pistorius a eu de graves problèmes avec la justice. Il est condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Vous l'aurez compris, Pistorius ne sera pas là. Alors, parmi les stars, il y aura par exemple le chinois Xu King. Il disputera les épreuves de natation et c'est une légende dans son pays. Depuis un accident de voiture à l'âge de 6 ans, Xu King est amputé des deux bras. Il nage presque uniquement avec ses jambes et a décroché 7 médailles d'or dans les Jeux Paralympiques. Xu King n'a que 23 ans, mais il dispute à Rio ses 4e Paralympiques, car oui, il était déjà à Athènes en 2004. Il n'avait alors que 11 ans. Sa citation favorite vient d'un roman d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. Ça, c'est donc pour Xu King, le chinois. Autre grand monsieur des Paralympiques, l'américain Brad Snyder. Lui aussi est nageur. Il a perdu la vue en 2011 en marchant sur un engin explosif. Il était en mission en Afghanistan avec la marine américaine. Brad Snyder a reçu des éclats de bombe dans le visage. Ses yeux ont été remplacés par des prothèses. Et comme il aimait la natation, il a recentré sa vie sur ce sport. Et ce qui est assez comique avec Brad Snyder, c'est qu'il n'hésite pas à plaisanter avec son handicap justement. Il explique que quand je plonge dans une piscine, je vogue, tout y est vraiment naturel. Parfois, je me cogne dans le mur à l'arrivée, mais sinon, je m'y sens vraiment bien. Également présent à Rio, le Britannique David Ware, c'est la légende de la course en fauteuil. Et après les Jeux de Londres en 2012, malgré 4 médailles d'or, il n'a pas été anobli par la reine. Un oubli qui a provoqué une énorme polémique à Londres sur l'inégalité de traitement entre les sportifs paralympiques et olympiques. David Ware participe à Rio à ses derniers Jeux et je vous en ai pris un dernier pour la route, l'Allemand Markus Rehm. Son profil se rapproche de celui d'Oscar Pistorius puisque Rehm a bien failli participer aux Jeux avec les valides. Rehm est amputé de la jambe droite et il comptait bien s'aligner aux JO. Malheureusement, après un long combat juridique, il n'est pas parvenu à prouver que sa prothèse ne lui apportait aucun avantage. Dommage pour lui car Markus Rehm aurait tout simplement pu être champion olympique. Il y a quelques semaines, le concours de la longueur a été remporté par l'américain Jeff Henderson avec un bond à 8m38. Markus Rehm, lui, possède un record à 8m40. Il domine outrageusement tous ses adversaires puisqu'il saute quasiment chaque fois 1m plus loin, c'est énorme. Rehm devrait donc décrocher facilement une nouvelle médaille d'or et quand il ne saute pas dans la vie de tous les jours, Markus Rehm travaille dans la construction de prothèses pour l'armée allemande. Et nos Belges dans tout ça, Jérôme, ils sont combien? Est-ce qu'il y a des stars dedans? Alors en tout, il y aura 4300 athlètes paralympiques, dont 29 Belges. C'est nettement moins que chez les valides, mais on attend malgré tout beaucoup de médailles, plus même. Notre porte-drapeau sera le nageur Sven De Castecker. Mais l'une de nos chances de médailles, c'est Marieke Vervoort, surnommée Willemie. Sa spécialité, c'est le sprint en fauteuil. Vervoort avait décroché une médaille d'or il y a 4 ans à Londres. Son histoire est assez touchante et poignante, puisque Marieke est en fait atteinte d'une maladie dégénérative incurable. Du coup, elle souffre énormément au quotidien. Elle a d'ailleurs plusieurs fois évoqué ouvertement l'euthanasie. « Le sport est ma seule raison de vivre », déclare Marieke Vervoort. Autre chance de médaille avec notre cavalière Michelle Georges. Elle aura la pression puisqu'elle avait décroché 2 médailles d'or à Rio. Et puis on surveillera aussi les performances de Joachim Gérard. Il fait du tennis en fauteuil roulant et le Brabançon a déjà un tout beau palmarès. Actuellement, il est le 2e joueur mondial. À Pékin, il avait atteint les 8e de finale. L'écart il y a 4 ans à Londres et on espère évidemment certainement mieux cette année à Rio. La cérémonie d'ouverture, c'est donc pour cette nuit. Ensuite, les compétitions jusqu'au 18 septembre. Il y a 4 ans, les Belges avaient décroché 7 médailles, dont 3 en or, c'est pas mal. Pour suivre ces Jeux paralympiques, ne manquez pas notre magazine quotidien. C'est tous les jours sur la Une Télé, après le JT de 13h. Et puis ce soir, la cérémonie, c'est en direct sur la 2 dès 22h50. Alors même si c'est moins médiatisé, on est sur le coup. Et vous promettez, Jérôme, que vous viendrez nous donner les résultats. Ah, on donnera des nouvelles et on entendra les athlètes, évidemment. Bon, bah, j'espère bien. Merci beaucoup, Jérôme. À tout à l'heure pour le Journal des Sports. 5 à 7. Bon, ben on va parler de ce qu'on va manger, ce qu'on va manger à partir de 2017, puisqu'on apprend aujourd'hui dans l'ADH qu'à Chimay, des vaches vont être élevées à la bière. Alors ça, c'est plutôt original. Des vaches qui vont peut-être voilà, faire meuh de façon un peu originale maintenant. Peut-être qu'elles vont être bourrées. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va en parler avec Hugues Derzel. Vous êtes éleveur à l'élevage de la Petite Suisse, l'élevage familial de Lompré, tout près de Chimay. Et donc, vous allez nourrir bientôt vos vaches à la bière. Bonsoir Hugues. Et bonsoir, bonsoir Cyril, bonsoir aux auditeurs et à mes clients qui se pressent pour m'écouter. Hein. Ben bonjour à tout le monde. Elles vont être bourrées vos vaches ou pas? Comment ça va se passer? Expliquez-nous, parce que c'est étrange. Alors, non on est éleveur et le métier d'éleveur, c'est de respecter les animaux. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'alcoolisme chez la vache. D'accord. Donc les animaux vont recevoir effectivement de la bière sur leur ration. C'est vrai qu'on se focalise sur l'alcool dans la bière, mais à côté de ça, dans la bière, il y a les levures, il y a beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup d'autres choses, et il y a des sucres et il y a de l'alcool effectivement, mais l'alcool va arriver dans le rumen qui est quand même une poche liquide de plus de 100 litres, donc l'alcool va vite être dilué dans le rumen. C'est ça. Et au niveau du rumen, il y a des bactéries qui vont tout de suite bloquer l'alcool, donc on aura quand même un très très faible taux d'alcoolémie des vaches. Donc on a quand même fait des essais avant de proposer d'en parler, on a quand même fait des essais, on a fait de la recherche en littérature scientifique et tout ça, pour être certain quand même qu'on respecte l'animal qui est, pour avoir une bonne viande, il faut peut-être lui donner une bonne nourriture. Ici, avec un goût particulier avec la bière, mais il faut d'abord respecter l'animal, que l'animal soit bien, soit détendu et tout ça. Donc c'est le principe et le béaba de notre métier, c'est d'abord des animaux heureux. Au Japon, il y a des animaux, des vaches qui sont massées, des bœufs qui sont massés à l'alcool. Est-ce qu'on se rapproche de cette technique-là, même si là, c'est pas du massage, ou pas du tout? Qu'est-ce que ça va changer au niveau du goût? Je pense qu'au Japon, il y a des animaux qui reçoivent de l'alcool dans leur ration, et en plus qu'ils sont massés manuellement. D'accord, c'est un mélange des deux. Donc il y a et le massage et l'alimentation. Donc nous ici, au niveau de le massage, c'est un peu plus folklorique. Donc au niveau de notre élevage de la Petite Suisse, on va apporter, en plus de la ration quotidienne, on va apporter de la bière à nos vaches, une bière qu'on a choisie avec un taux d'alcool pas trop élevé, une bière qui a du corps, une bière qui a beaucoup d'ingrédients avec elle, et c'est une bière brassée ici tout près aussi, c'est une bière de Silanrieux, quoi. Vous m'assurez qu'on ne sera pas sous en mangeant votre viande, hein? Mais ça dépend ce que vous allez boire en mangeant la viande. si effectivement vous mangez la viande, vous ne serez pas sous. Mais maintenant, si à côté de manger la viande, vous prenez la bière adéquate avec, là, je peux pas garantir que ça, vous ne serez pas. C'est plus votre responsabilité. Ces viandes-là seront disponibles à partir de quand, Hugues? Donc, on va commencer ici la phase d'alimentation avec la bière à partir du 1er octobre. On l'a un peu postposé parce que comme il fait tellement bon, on a laissé les vaches au champ parce que pour amener la bière, il faut que les vaches soient sur les tables. C'est mieux contrôler les choses, mieux contrôler l'état de l'animal et tout ça sur les tables. Alors ici, on a un peu postposé, comme un bon mois de septembre qui se présente. Donc, on va commencer à distribuer la bière à partir du mois d'octobre. Donc ça va pendant 4 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, ils auront de la bière. Et puis après, on aura la phase de maturation de la viande et pour avoir de la viande disponible fin février 2017. Bon, bah, il faudrait être un petit peu patient, mais on a hâte de découvrir tout ça. Vous repassez dans l'émission quand c'est prêt, d'accord? Pas de souci, c'est avec beaucoup de plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bon travail Hugues, à bientôt. Ça va, merci, à bientôt. Dans la suite du 5 à 7, c'est Ophélie Fontana qui arrive comme tous les soirs. L'image du jour dans un instant et puis le cactus de Jérôme de Warzé. Vous l'avez peut-être raté ce matin, séance de rattrapage avant le journal de 18h. Et je vous rappelle que quelqu'un de cette équipe, avant la fin d'émission, devra réaliser le test du piment comme deux youtubeuses l'ont fait. Elles n'étaient pas bien dans la vidéo, elles ont mangé le piment le plus fort du monde, elles étaient malades, elles ont fait même un malaise. Que va-t-il se passer dans cette équipe avant la fin de l'émission? On va peut-être perdre quelqu'un. Bah c'est le risque du direct. Hein. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Dans mon magasin de Reusbrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. C'est illégal. Voir conditions en magasin. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Ixina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Ixina.be, c'est bien pensé. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Pendant les foires au vin, que recherchez-vous ? Des bons prix ou des bons vins ? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce blé Côte de Bordeaux Château Les Charmis Vieille Vigne 2015 en 4 plus 2 gratis, soit seulement 3,99€ la bouteille. À découvrir absolument. Parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Et tous les soirs, vous le savez, c'est Ophélie Fontana qui me rejoint pour l'image du jour. Bonsoir Ophélie. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien ? Super. Bon, l'image du jour aujourd'hui, on pourrait parler de vous parce qu'on vous voit partout dans la presse. Oh, félicitations. Mais c'est pas intéressant, mais merci. C'est pas le plus intéressant. En plus, on est pressé, paraît-il, quelqu'un s'y arrive. C'est vrai. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de l'image du jour, vous voyez ? Eh ben, c'est plus intéressant. Bon, on dit quand même, vous êtes mariée vendredi, voilà, comme ça. Comme ça, tout le monde comprend de quoi on parle. Dans l'actu aujourd'hui, Ophélie, vous avez retenu cette découverte à propos de la maladie d'Alzheimer. Bah oui, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a quand même 100 000 personnes qui sont atteintes par la maladie en Belgique, donc c'est un sujet concernant. Et dans la plupart des cas, cette maladie, elle est génétique, mais on apprend aujourd'hui que pas seulement, elle pourrait être liée à la pollution. Pourquoi ? Ah. Eh bien parce que la pollution, c'est quoi ? Ce sont des particules pas très bonnes pour la santé qui sont présentes dans l'air et figurez-vous qu'elles pénètrent, elles arrivent à pénétrer dans notre cerveau. Comment ? Eh bien en fait, ces particules, elles sont extrêmement fines et donc elles arrivent à passer, à franchir la barrière du corps humain. Elles peuvent donc se retrouver dans les poumons, dans le sang. Si on prend par exemple le carburant de nos voitures, oui, ça pollue. Eh bien ce carburant, on le respire par le nez. Les particules donc viennent dans notre nez et elles arrivent à remonter jusqu'au cerveau. Et on sait que la maladie d'Alzheimer, c'est une dégénérescence du cerveau. Donc voilà, il y a 37 cas qui ont pour l'instant pu être analysés. Ça a été prouvé que la pollution avait bien eu un impact sur leur cerveau et donc avait pu causer cette maladie d'Alzheimer. Mais il va falloir bien sûr une étude clinique à plus grande échelle pour bien sûr valider cette découverte très intéressante. Donc c'est pourquoi on utilise pour l'instant encore le conditionnel. Donc la pollution pourrait causer dans certains cas la maladie d'Alzheimer. Donc ce serait quand même révolutionnaire quand ça pourrait être appuyé totalement. Ah bah oui, et puis c'est dingue, parce que là, dans l'immédiat, on ne sait pas faire grand-chose, à part faire un grand concours d'apnée. Mais c'est, voilà, on ne va pas tenir très très longtemps. Quoi. Voilà, non, ça c'est un petit peu compliqué. Vous tenez longtemps en apnée, vous ? Non, pas tellement, c'est pas mon point fort, du tout. Eh bien, on reviendra sur votre point fort une autre fois dans l'émission. Vous revenez quand vous voulez parler de vos points forts, Ophélie. Oui, mais je préfère venir parler de l'image du jour, hein, quand même. mais on peut changer de temps en temps. Et sinon, j'en profite rapidement pour dire aussi, parce que c'est une autre bonne nouvelle, une nouvelle encourageante, en tout cas pour toutes les personnes malades, c'est qu'il y a un traitement, un tout nouveau traitement qui est en train d'être testé pour les personnes qui ont la forme précoce de la maladie, c'est-à-dire que la maladie est détectée et les symptômes ne sont pas encore visibles. Et donc, il y a les anticorps qui seraient très, très utiles et qui permettraient peut-être de ralentir le déclin ça, des neurones. Donc voilà, ça aussi, c'est en test, à mon avis, d'ici une dizaine d'années. vacciner, si ça se confirme, ça pourra peut-être guérir pas mal de personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent autour de cette maladie d'Alzheimer qui touche, je le rappelle, 100 000 personnes en Belgique. Merci Ophélie pour cette image du jour. On vous retrouve tout à l'heure dans le 15 minutes sur la 2 et voilà. Puis demain dans le 5 à 7. Bonne le soirée. Le rendez-vous est pris. Il est l'heure de retrouver Jérôme de Warzé. Tout de suite, c'est le cactus. Et vous revenez, Jérôme, sur la bonne performance des Diables hier soir à Chypre, mais aussi sur le limogeage de l'entraîneur du Standard. Mais oui, bonjour. Une Woensdag, Ferreira Le Mal et Yannick Buiten. L'entraîneur du Standard a été licencié hier après 5 journées. Précisons viré, car licencié après 5 journées, c'est un peu le lot hebdomadaire de tous les profs dans l'enseignement. Une situation difficile pour le coach liégeois, identique à celle des travailleurs de nombreuses grosses boîtes industrielles de ce pays. Tu bosses, tu acceptes tout, mais tu sais très bien que quoi que tu fasses à un moment. Le Standard qui prenait certes l'eau, même l'orchestre ne jouait plus. Yannick Ferreira n'aura pas usurpé son surnom de Titianic. Sport avec ballon. C'est un bel hommage. Sport avec ballon, toujours. Les Diables Rouges entamaient hier soir leur qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Qualification ou éliminatoire, tout dépend de votre optimisme sémantique. De la même manière qu'en radio, certains parlent de chiffres d'audience, d'autres, que nous ne nommerons pas car nous n'aimons pas railler nos voisins de couloir, de constat de non-écoute. La Coupe du Monde 2018, un événement rare, exceptionnel même, ce sera sans doute la première fois que l'équipe russe se qualifiera pour un tournoi majeur sans se doper, il faut quand même le signaler. La Belgique a été versée dans un groupe comprenant la Bosnie, la Grèce, l'Estonie, Chypre et Gibraltar, un club de Détroit. Loin de moi l'idée de minimiser la performance d'hier soir, mais au niveau belge, c'est un peu comme si Anderlecht était versé dans une poule comprenant des équipes issues du Sion sans Brémeuse, d'un chef-lieu sous-provincial, de la moitié d'une commune à facilité et de Charleroi. Je veux dire, je laisse aux experts. Oui, vous êtes moins inspiré là. Oui, le soin de décider à quelle équipe je faisais référence analogiquement, Gibraltar ou la Grèce, par exemple. Pour nos Diables, on ne pourra donc pas parler ici de groupe de la mort, mais de groupe où l'on va s'emmerder à mort. Grosse prestation hier soir d'un team qu'on nous décrit régulièrement comme notre team matinal. Bonne organisation d'ensemble, une cohésion collective assez irrégulière, surtout le jeudi, hein, où ça part dans tous les sens. Et un meneur de jeu, excellent, sublime, lorsqu'il mène son équipe à la baguette dans un système 9-11. Oui. Mais qui peine à s'exprimer dans un système 8-9, non. Lorsqu'il sait qu'il doit partager le jeu avec un énorme talent individuel. C'était pas drôle du tout, ça. Lukaku Waka, mon vieux. Comme prévu par moi-même, je le signale donc, comme prévu par moi-même, hier à la même heure, les Diables se sont imposés 0-3. C'est vrai, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Je conçois que cela puisse faire peur. Surtout que j'ai rêvé cette nuit que Sacha Daoud et son émission allaient déjà sauter ce dimanche, mais je contrebalancerai en avouant que j'ai aussi rêvé que Laurent allait accéder au trône. Donc je veux dire, infaillibilité oui, rationalité non. Rendons à César ce qui appartient aux boîtes de nourriture pour chiens. Romelu Lukaku a été excellent. Une occasion, deux buts. Alors là, le ratio de l'euro est pulvérisé. À l'euro, c'était 43 occasions, 2 au fond. Et 43 occasions, 2 au fond, la moyenne... Bon, dans une partouze, le mec, on sait qu'il est belge, hein, par exemple. Mais on sent clairement... Enfin, j'ai l'image devant les yeux. Ben oui, c'est Cathy pas aussi, excusez-moi, mais il y a l'inspiration et l'inspiration. Ah oui, mais bon, ça donne envie, votre... Mais on sent, mais je vous en prie, on sent clairement une confiance retrouvée. Hein. Chez Romelu, on perçoit l'influence positive de Roberto Martinez sur ses placements et sur ses 2 opérations au genou qui lui permettent enfin maintenant de pivoter, hein, pour se mettre dans le bon sens du but. Il l'a dit maintenant, il sait ce qu'il a à faire. On frémit à l'idée de penser aux consignes de Marc Wilmot. Désormais, il joue avec sa tête. Avant, il ne jouait qu'avec ses pieds. Comme Thierry Henry est là, il va apprendre à jouer avec ses mains. On va en faire un robot. Un robot. C'est bas. Et puis avec Roberto Martinez, les motivations sont claires, limpides. Là où Marc Wilmot hurlait... Ou est-ce que si tu serais isolé en pointe, recule en avançant. Le coach espagnol lui a compris qu'il fallait en revenir aux bases même de sa formation d'acteur, de le recadrer dans son cocon publicitaire d'une grande marque de barres chocolatées. En effet, tout le match, il n'a pas cessé de lui crier « Bueno, bueno, bueno !» Par contre, grosse erreur tactique de Roberto Martinez, qui sur le pénalty accordé aux Belges, laisse tirer Michy Batshuayi, énorme bourde, relevée aussi sur Twitter par Jacqueline Galland. D'après ses statistiques, Michy Batshuayi marque toutes les 54 minutes. Et là, il n'en a joué que 20. Même moi, je l'avais remarqué. Et tant que nous sommes dans les chiffres, je voudrais spécifier qu'après 2 matchs, le taux de succès de Martinez est de 50%, ce qui est quand même très inférieur au taux de Marc Wilmot, 71%, et même à celui d'Yannick Ferreira, 51%. Donc je veux dire... Voilà, dernière chose, notons que le prochain match opposera les Diables à la Bosnie. avec peut-être Vincent Compagnie qui devrait jouer ses habituelles 7 minutes. Ça finit sur un beau tacle. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que vous aviez pronostiqué le score hier. Oui, et ça n'est pas la première fois. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Quel temps va-t-il faire, la réponse avec vous, Dominique? 10 à 15 degrés la nuit prochaine, sous les étoiles, et puis demain, plein de soleil. À peine quelques voiles de nuages élevés, mais sans conséquence. Et de la chaleur aussi, 25, 28 degrés, voire même localement 30 degrés en campine. Le ciel deviendra par contre plus nuageux en soirée. Vendredi, quelques passages nuageux, mais toujours de belles éclaircies. Un vent de sud-ouest, un tout petit peu moins chaud, 20 à 25 degrés. Juste après le journal de 18h, on va parler d'un nouveau projet fou. Une maison qui se sépare en deux. L'idée, c'est qu'en cas de divorce, ben voilà, c'est très facile. On détache deux parties de la maison, c'est une maison flottante. Le projet vient des Pays-Bas et devrait voir le jour prochainement. On en parle dans quelques minutes. Et puis l'épreuve des piments aussi. Ça arrive juste après le journal de 18h, des cadeaux à gagner. Plein de choses à faire ensemble, jusque 19h dans ce 5 à 7. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Faut-il mettre en place un examen d'entrée pour les étudiants en médecine? Les ministres compétents discutent, mais c'est une fausse solution, vous dira l'un des représentants des étudiants, parce qu'on n'aborde pas le fond du problème, entendez le manque de numéros INAMI délivrés à la fin des études. Nous vous parlerons dans ce journal d'une toute nouvelle école créée à Scarbec par des parents d'élèves. École secondaire, mais école en panne, elle attend toujours son permis d'urbanisme. Les pharmaciens sont-ils moralisateurs lorsqu'ils délivrent une pilule du lendemain? Ils en ont le droit, assure l'association belge des pharmaciens. Et pour se défendre, elle rappelle que c'est un médicament. Dans le journal des sports, nous reviendrons sur la victoire des Diables Rouges à Chypre. Analyse et débriefing de la nouvelle tactique du sélectionneur Roberto Martinez. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir, et d'abord parlons de l'agression de deux policiers, deux agents de quartier cet après-midi dans un parc à Molenbeek. Ils ont reçu plusieurs coups de couteau, mais ne sont pas blessés. Leur gilet pare-balles les a protégés. Pour le parquet, aucun indice ne fait penser à un acte terroriste. Le suspect n'était pas fiché pour radicalisme, mais il est connu de la police pour des faits de délinquance. Il a été arrêté par une autre patrouille. Il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. C'est un homme en séjour illégal. On ne sait rien pour l'instant de ses motivations. Et à Paris, une voiture contenant 6 bonbonnes de gaz pleines a été découverte le week-end dernier dans le quartier très fréquenté de Notre-Dame de Paris. Un riverain a été intrigué. Il avait remarqué l'une des bonbonnes dans la voiture. Une voiture sans plaque. Aucun détonateur ne se trouvait à l'intérieur. Deux personnes sont interrogées. Le propriétaire du véhicule, fiché S pour radicalisation, et un de ses proches, et lui aussi serait connu des services de renseignement. Une solution serait-elle en train de se dessiner pour les futurs étudiants en médecine? Un examen d'entrée, ce serait peut-être la solution retenue. Un examen avant, au lieu d'une épreuve, à la fin de la première année d'études, comme cette année. Mais les résultats de ce concours sont toujours entre parenthèses. Et à 10 jours de la rentrée universitaire, on ne sait pas qui pourra s'inscrire en deuxième. Alors cette solution se dessine aussi. L'examen d'entrée, est-ce la bonne solution, la moins pire? Convient-elle aussi aux étudiants? Écoutez l'avis du président du comité interuniversitaire des étudiants en médecine. Eh bien, tout simplement, au niveau chiffres, ça ne change rien à partir du moment où on a un numerus fixus. Donc, l'examen d'entrée serait un concours. On n'a pas le choix. On a un nombre fermé de chiffres qui est prédéfini à l'avance. Donc, d'un point de vue purement mathématique, ça ne change rien. La Flandre a mis en place un examen d'entrée. Et la preuve en est, c'est que les Flamands ont des surnuméraires aussi, quelque chose comme 400. Donc oui, on est obligé de mettre un système de concours, quoi. Quentin Lamelin, interrogé par Arnaud Russen. C'est une école à Scarbeck qu'elle a ouvert il y a quelques jours. Elle a ses élèves, ses parents d'élèves, ses classes. Il lui manque juste une chose, un permis d'urbanisme. L'école secondaire Single Lane est le fruit d'un combat qu'ont mené les parents pendant 2 ans. Ouvrir une école, c'est rare. Et à Bruxelles, le manque d'établissements est criant. Hélène Maquet, une semaine donc après la rentrée, l'école se retrouve dans une situation très particulière. Devant l'école, les affiches rouges sont encore placardées. On y lit « Avis d'enquête publique du 25 août au 8 septembre ». Ici, des bureaux doivent être transformés en école. Ces affiches montrent que le permis n'a pas encore été délivré. En fait, pour que les riverains puissent se prononcer sur le projet, l'enquête publique doit encore se terminer et la commission de concertation doit avoir lieu. La seule infraction, c'est l'utilisation d'un bâtiment affecté en bureau pour en faire une école. Il n'y a pas de travaux réalisés sans permis. Le projet a également reçu l'aval des services d'incendie. L'école est donc presque en règle. Presque, mais le permis n'est pas délivré et il reste les riverains. L'enquête publique a pour vocation qu'il soit entendu avant que le permis soit délivré. D'après l'échevin, la commune a déjà reçu quelques réactions de la part des voisins. Mais a priori, la commune ne va pas demander la fermeture de l'école alors que les enfants y ont fait leur rentrée. Les autorités demandent que l'établissement se mette en règle au plus vite, mais tout ce que l'école peut faire, c'est attendre que la procédure suive son cours. Le point avec Hélène Maquet, 100 de places ont été créées en première année secondaire et de nouvelles seraient ajoutées au fil des ans. Rien ne les empêchait de venir à la chambre. Selon le service juridique de la chambre, rien n'empêchait la direction de Caterpillar de venir s'expliquer hier devant les députés. La direction s'est justifiée invoquant la loi Renault sur les licenciements collectifs. Mais cette absence a indigné les élus. Le document de la chambre indique aussi que rien n'obligeait les directeurs à participer à une telle audition. Les pharmaciens doivent-ils faire la leçon à une jeune fille qui vient demander une pilule du lendemain ? En France, le sujet a fait débat cet été parce que certains pharmaciens ont avoué qu'ils refusaient de délivrer cette contraception d'urgence à des jeunes filles. En Belgique, il ne faut pas de prescription. Alors il y a ceux qui la délivrent sans rien dire. C'est une réalité aussi. Certains s'exécutent et ajoutent au passage un petit sermon sur la sexualité non protégée. Vous avez entendu dans le journal de 17h le témoignage d'une jeune fille. Elle est sortie secouée de son passage à la pharmacie. Écoutez à présent le point de vue de l'association pharmaceutique belge. Elle défend ce droit à la remontrance, dans certains cas en tout cas. Alain Chassepierre, il est le vice-président de l'association. Évidemment, bien sûr, ça reste un médicament. Ce n'est pas nécessairement obligé d'y avoir recours. Il y a certains éléments qui permettent de dire ben là, le risque est tellement faible que ce n'est pas utile. Donc ça doit être analysé. Donc le pharmacien doit poser des questions. Mmh. Et alors, on doit évidemment s'assurer que dans le contexte dans lequel ça s'est passé, pourquoi est-ce que c'est utilisé et est-ce que la patiente utilise un moyen contraceptif. Je voudrais quand même rappeler certains chiffres. En 2011, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse était quand même près de 20 000. Et 42% des femmes qui ont subi cette interruption volontaire de grossesse ne prenaient pas de moyens contraceptifs. Donc je pense que, effectivement, le pharmacien a le rôle d'éducation en plus du rôle de dispensation. Des propos recueillis par Simon Gérard. Jusque demain soir, c'est le rendez-vous des professionnels de la cybersécurité. L'OTAN organise un symposium auquel participent plus d'un millier de personnes, des dizaines d'entreprises venues de partout dans le monde et elles espèrent toutes conclure des contrats juteux. C'est un reportage de Charlotte Legrand. Des stands, des gadgets, des démonstrations. Ce symposium, c'est un peu le batibot de la cybersécurité. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. On a ici, dans les deux tiers de l'Automons Expo, un hall où les partenaires industriels de l'OTAN et les sociétés qui vendent des solutions peuvent exposer. 1300 personnes sont inscrites, nous explique l'organisateur Alex Van Durm. Les entreprises viennent de partout dans le monde. On compte des géants de la sécurité, des multinationales américaines, mais aussi des PME comme les Français de Premix Technology. Nous sommes un éditeur de logiciels de chiffrement pour venir protéger des données. Ici, c'est the place to be en matière de cybersécurité. C'est the place to be surtout pour l'OTAN. Nous avons vu beaucoup d'agences de l'OTAN passer ce matin. La société de Vanessa de Chandrin rêve de signer un contrat avec l'OTAN, mais la concurrence est rude dans le secteur. Sur scène, les orateurs se succèdent dans une ambiance de show à l'américaine. On parle des menaces actuelles, du cyberterrorisme, des hackers de plus en plus rusés. Il faut sans cesse innover, résume Kakin Ho, directeur chez FireEye. You can imagine this like a cat and mouse. C'est comme le jeu du chat et de la souris. Pendant que vous cherchez la solution à un problème, les méchants, eux, sont déjà en train d'innover. Un reportage de notre experte, Charlotte Legrand. C'est important la cybersécurité parce qu'après on se retrouve à tweeter des photos de chats comme le comte du Palais Royal ce matin. On voyait bien que le chat n'était pas dans le Palais Royal quand même. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez vu cette info aujourd'hui. Oui. Ah ben, c'est dingue, le palais qui a tweeté visiblement par erreur une photo de chat avec une vue de Bruxelles derrière. Est-ce que les petits princes ne s'amuseraient pas avec Twitter tout simplement? Ah, c'est peut-être eux. On va enquêter. Merci Delphine. Dans un instant, c'est le journal des sports qui arrive tout de suite, le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Que se passe-t-il ce soir sur les routes? Mais toujours un accident dans l'échangeur de haut titre avec une bande de circulation neutralisée dans la bretelle reliant le ring de Bruxelles venant de la N28 à l'E19 vers Mons. Mais apparemment, ça devrait aller mieux puisque les ralentissements ne sont plus que de 28 minutes de temps de parcours supplémentaire. Donc ça s'arrange et partout ailleurs, eh bien, les circulations sur le ring s'est redescendue en dessous des 10 minutes supplémentaires. Donc c'est un signe de bonne santé pour le ring. Ralentissement dû des travaux sur le 19 Bruxelles-Mons. On revient de très très loin. Il n'y a plus que 5-6 minutes perdues maintenant en direction de Mons. Un accident a dû se produire, mais voilà, donc tout rentre dans l'ordre de ce côté-là. Alors sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles à hauteur de Charatte, eh bien là, voie ralentie encore, puisque vous êtes sur 3 km vers Bruxelles et vers Aix-la-Chapelle, donc vers l'Allemagne, entre Halle et Charatte, vous perdez une soixantaine de minutes. Toujours une quinzaine de minutes perdues également sur le 17 Gand-Lille, au poste frontière entre Albeck et Neuville-en-Ferrain. Notez bien ce contrôle de vitesse sur le 42 Mons tourné entre Pomerol et Blaton. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Vivacité, le journal des sports. On retrouve Jérôme Elguins pour ce journal des sports. Jérôme, les Diables Rouges ont répondu aux critiques hier à Chypre et on a vu des nouveautés sur le terrain. Un système tactique différent, une nouvelle organisation sur le terrain. Fini le traditionnel 4 arrière, Roberto Martinez a aligné une défense à 3. Un système séduisant, débriefé par Arnaud Montero. Ce qui est important, c'est que ce nouveau système a plu aux joueurs. Thomas Meunier, d'habitude défenseur, s'est même régalé dans un rôle plus offensif. J'ai la possibilité d'être à la base d'actions décisives, comme sur le premier but par exemple. De Bruyne, Hazard, c'est très bon, ça y va pour se retourner. Une fois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne se sont pas marchés sur les pieds. Moi un peu plus à gauche, Kevin un peu plus à droite. Quand il était à gauche, j'étais à droite. Voilà, on a réussi à pas mal permuter. Et après, quand on avait le ballon, s'il était seul, on essaie de se trouver. Ben, c'est le but de l'homme qui est toujours positionné au bon moment. Romelu Lukaku, auteur de deux buts, s'est même lui senti moins seul en attaque. L'entraîneur nous a bien montré à l'entraînement comment on aurait dû faire. Et je crois qu'en possession, tout le monde faisait les bonnes lignes de course. Et je crois qu'on s'est créé beaucoup d'occasions grâce à ça. Des frames qui centrent. Ouh là là, évidemment, quand on est plus tourné vers l'attaque, ça laisse des trous dans la défense. Et ce n'était que Chypre ici. Nordin Djbari, consultant RTBF, prévient. Il faudra compenser. On va peut-être un peu sacrifier Fellaini parce qu'on ne le voit pas venir de la deuxième ligne comme il peut faire habituellement. Et donc, à mon avis, c'est pour ça aussi que, même si ça m'attriste, il a choisi Fellaini et pas Nainggolan. Mais est-ce que ce nouveau système va être tout le temps appliqué par Roberto Martinez? Pas certain du tout. Il pourrait être même plus prudent face à la Bosnie en octobre prochain, à moins que Thibaut Courtois, rarement avare en critique sous Inmots, ne le convainque du contraire. C'est un système qui peut faire beaucoup de douleurs à les autres équipes, donc c'est un truc bien pour savoir qu'aujourd'hui c'est bien passé et dans le futur, peut-être on jouera plus comme ça. Et peut-être dès le prochain match, Belgique-Bosnie-Herzégovine, le 7 octobre à Bruxelles. Une rencontre déjà très importante dans cette campagne qualificative pour le Mondial 2018. On reste encore un moment à l'Union Belge. La fédération a choisi son candidat pour les élections présidentielles de l'UEFA. Nos représentants belges soutiendront le candidat néerlandais Michael Van Praag, tout comme la fédération anglaise de football, un soutien de poids. Suite à la suspension de Michel Platini, l'UEFA doit se choisir un nouveau président. Élection mercredi prochain, dans une semaine donc. Deux candidats sont toujours en lice, Michael Van Praag et le Slovène Alexander Čeferin. Les 55 fédérations composant l'UEFA disposent d'une voix. Comme le diable, les basketteurs belges sont engagés dans des éliminatoires. Les Lions disputent d'ailleurs ce soir leur troisième match qualificatif pour l'Euro 2017. Et c'est un match clé à Anvers face à l'Islande. Belges et Islandais ont tous deux remporté leurs deux premières rencontres. Ils se partagent donc la première place du groupe. Mais ça ne sera évidemment plus le cas ce soir. Pour s'isoler en tête, la Belgique doit donc battre l'Islande. Et pour parler de ce match, Pierre Capard a rencontré Giovanni Bozzi, ex-coach de notre équipe nationale. Les Islandais, déjà au dernier championnat d'Europe, avaient été très intéressants avec un basket assez atypique. Hein. Bon, ça court, ça shot énormément à trois points, ça a beaucoup, beaucoup de vivacité. Donc je crois qu'il faudra être, dès le début du match, très, très présent sur le plan défensif. Bon, nous, on a quand même pas mal de satisfaction avec une équipe quand même fort rajeuni, mais malgré tout je crois que ça a été bien remplacé, toujours drivé super bien par le coach et surtout un groupe qui est animé de toujours les mêmes états d'esprit, la volonté de bien faire, une agressivité hors du commun et de ne rien lâcher, donc voilà, c'est de bon augure et je crois que bon, maintenant c'est quand même un groupe plus qu'abordable, il faudra essayer de gagner à domicile pour pratiquement assurer sa qualification pour le championnat d'Europe. Les Jeux paralympiques vont officiellement démarrer cette nuit avec la cérémonie d'ouverture. Et c'est à suivre en direct sur la 2 télé dès 22h50. 4300 athlètes vont se disputer les médailles, parmi eux 29 Belges, dont le nageur Sven De Castecker, notre porte-drapeau tout à l'heure. La délégation belge se déplace à Rio avec moins d'athlètes que lors des derniers Jeux londoniens, mais elle compte malgré tout faire mieux que les 7 médailles ramenées en 2012. Ces Jeux paralympiques ont frôlé l'annulation. Les caisses étaient complètement vides puisque les Jeux Olympiques ont puisé dans les finances des Paralympiques pour assurer la bonne tenue des JO. Finalement, l'IPC, le Comité International Paralympique, a débloqué la situation. Les explications avec Anne Dieteren, la présidente du Comité Paralympique belge. En fait, le budget prévu et la caisse financière prévue pour les Jeux Paralympiques a été totalement utilisée en dernière minute pour finaliser les installations olympiques et que les Jeux Olympiques puissent se passer dans les meilleures conditions. À tel point que le gouvernement avait décidé d'annuler les Jeux Paralympiques. Et que l'IPC, évidemment, vous imaginez, a tout fait pour contrer cette décision qui aurait été incroyable pour les 170 pays présents et les 4300 athlètes et le monde entier où tout était organisé depuis 7 ans finalement. Et c'est l'IPC qui a essayé de convaincre les autorités et qui a réussi à convaincre les autorités. On sent évidemment un peu à gauche et à droite le manque de finances. Ça va nous coûter à nous beaucoup plus cher, c'est clair. Les médailles vendront beaucoup plus cher. Mais les Jeux ont place et je pense qu'une fois que la cérémonie d'ouverture sera lancée, les Jeux se dérouleront dans les meilleures conditions. Anne Dieteren, présidente du Comité paralympique belge au micro de Manu de Bièvre. Et puis, chouette initiative dans le centre de Bruxelles où Mannequin Peace a revêtu sa tenue paralympique aujourd'hui. Une chaise roulante aux couleurs belges au sommet d'un podium. Le résultat est plutôt pas mal à voir sur le site sport de la RTBF. En cyclisme, nouvelle arrivée difficile sur la Vuelta et parfaite gestion de Nairo Quintana. Pas de changement général, le leader colombien a rallié l'arrivée dans le même temps que Contador, Froome et Chavez. Quintana conserve son avantage de 3 minutes 37 sur Chris Froome. Au sommet d'une côte de 4 km au pourcentage affolant, c'est le Suisse Mathias Franck qui s'est imposé. Notons aussi la belle ascension de Ben Hermans, c'est le premier Belge du général, il est 15e. Au Tour de Grande-Bretagne, notre compatriote Julien Vermotte est toujours leader après la victoire au sprint aujourd'hui du Néerlandais Dylan Groenewegen. Et pour refermer ce journal des sports, ce duel inédit et atypique prévu vendredi au Mémorial Van Damme. Le coureur contre la machine et l'énergie verte. L'athlète kényan Nicolas Kiplagat Kipkoech va se mesurer à une voiture propulsée par l'énergie solaire. Ce sera sur une distance de 600 mètres, soit un tour de piste et demi. Au volant de cette voiture solaire, on retrouvera le pilote belge Bert Longin. Particularité, l'engin est assez lent au démarrage, mais ensuite il peut aller très vite et atteindre les 100 km/h. L'athlète kényan possède lui un temps de 1 minute 15 secondes sur 600 mètres. Le départ sera donné sur le coup de 19h15, vendredi donc au Mémorial Van Damme. Merci Jérôme, j'ai une petite surprise pour vous, ne bougez pas. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Dans cette émission, dans un instant, on va parler cuisine avec Candice Cotter qui va nous rejoindre. On va parler d'une nouvelle maison aussi, un projet complètement dingue aux Pays-Bas. Une maison qui peut se couper en deux au cas où vous divorcez. Et puis, on va revenir sur cette vidéo de youtubeuses qui ont testé les piments les plus forts du monde. C'est dit qui dans l'équipe va pouvoir retenter la vidéo, parce qu'on entend les filles qui hurlent, mais vraiment comme des possédées, genre elles vont décéder. Alors, est-ce que ça fait si mal que ça de manger des piments? Mais Sophie, qui travaille sur cette émission, vous êtes arrivée en studio. Alors, je me suis dit, on va faire... J'avais pas envie, hein, mais... Non, mais il faut pas que ce soit vous toute seule. On va faire un compératif pour avec voir... Vous avec Jérôme, avec Jérôme Elgars qui est resté. Voilà. Bon, vous allez d'abord le contenter à deux. Il y a des petits piments rouges et petits piments verts. C'est tout ça, vous pouvez le suivre sur rtbf.be/ovio. Et alors, ce sera en vidéo aussi sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Vous préférez qu'on démarre avec des petits ou avec des grands piments? Là, dans la barquette, ils sont énormes. Il y a des piments petits, de 10 cm de long. Les petits d'abord, je ne suis pas sûr, parce que petit mais costaud, ouais. Hein, vous savez ce qu'on dit. Je vous donne un piment rouge, Sophie. Merci, on peut choisir adorable. Son piment. Ah bah, choisissez votre piment. Moi, si je vais vous prendre un gros vert. Ah, alors. Un gros vert, ouais. Ben voilà, on va voir. Je suis pas certain que le gros vert, c'est peut-être traître. Ça t'a qu'à du lourd. Alors, ouais, je pense que plus c'est petit, plus ça fait mal. C'est comme la piqûre du scorpion. Ouais. Ben, vous savez, c'est vrai. Plus le scorpion est petit, plus ça fait mal. Ouais. Je me fais pas souvent piquer par des scorpions, mais merci pour l'info. Attention, Sophie, Jérôme, à 3, vous mangez. On parle pas d'un petit bout. Hein. Vous avalez le piment. Ouais, non, on croque dedans. Ah ben, Jérôme, vous avez choisi le grand, c'est comme ça. On va croquer d'abord. Hein. Allez, moi, je vais prendre un petit verre. Comme ça, on les teste tous. Vous êtes d'accord? Il est courageux. Attention, quand même. 3, 2, 1, on y va. On croque tout, Jérôme. Tout, Jérôme. Hein. Alors. On mange un petit goût de poivron. Et sincèrement, ça pique les yeux quand même. Ça remonte jusque dans les yeux, c'est dur, Sophie. Oh là. Ça va pas là. N'arrivez plus à parler. Et Jérôme, il est tranquille, il mange ça comme si c'était une carotte. Je crois que j'ai gagné. Vraiment, c'est piquant ou pas? Non, pas du tout. Ça monte aux yeux là. C'est un peu comme un... Le mien, c'est un peu comme un poivron vert, donc facile. Ah bah, il a eu de la chance, il a pris le plus grand, c'était le meilleur. On va faire une petite pause, on va revenir dans un instant. On va faire un point sur l'évolution de la brûlure, hein, parce que vraiment, ça devient intense. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier. Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre! Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Hey, hey, I will survive. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4 000€ d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Nouveau, l'offre week-end de La Libre. Consultez chaque jour La Libre en numérique et le samedi, retrouvez-la en version papier dans votre boîte, accompagnée des suppléments La Libre Entreprise et le Quid. L'offre week-end de La Libre. En septembre, offre de lancement exceptionnelle à 12,99€ par mois. Info et abonnement sur lalibre.be. Offre soumise à condition. La Libre, faisons vivre l'info. Jusqu'à 19h, 5 à 7. La suite de cette émission va être très très difficile, on a fait le test du piment il y a un instant et rien que le fait de vous parler, ça génère de l'air qui va sur la langue et c'est en train de me brûler au moment où je vous parle. On va tenter de parler d'une maison, d'un concept qui vient des Pays-Bas qui a été présenté sur le site gensite.com aujourd'hui. L'idée c'est d'avoir une maison flottante pour éviter les problèmes de montée des eaux, mais surtout une maison qui peut se séparer en deux en cas de divorce. Voilà, quand on est fâché, on sépare la maison, on la détache, chacun part de son côté. On va en parler tout de suite avec Vincent Dehon, vous êtes architecte, bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans l'émission. Alors, est-ce que vous avez vu ce projet? Est-ce que, d'après vous, c'est réalisable d'avoir une maison qui se sépare en deux? Alors oui, j'ai entendu parler de ce projet et oui, c'est techniquement réalisable. Est-ce qu'il y a des gens qui vous posent déjà la question? Alors non pas peut-être sur une maison flottante, mais est-ce que aujourd'hui on sait qu'on reste peut-être pas toute sa vie avec la même personne? Est-ce que c'est un concept de séparation? Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau parce que le piment m'a détruit. Je suis en train de brûler de l'intérieur en fait. Mais est-ce que des gens dans les constructions aujourd'hui abordent déjà le problème avec vous, le fait de séparer peut-être un moment de la maison? Non. Construire une maison, quand un couple vient nous voir pour construire une maison, c'est un projet de vie à deux au départ. Ouais. Et oui, ils ne partent pas du principe qu'ils vont divorcer 5 ans après. Vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver dans votre métier bientôt, prochainement? Puisque là, aux Pays-Bas, on y est quasiment. Il faudra déjà qu'il vende sa première maison tout de même, mais bon, je ne suis pas tout à fait sûr que son concept va prendre de l'ampleur. Ça peut vendre quelques maisons, mais je ne crois pas que les gens vont partir avec comme idée de faire des maisons séparables au cas où ils divorcent. On pourrait aller plus loin, parce qu'ici, donc, c'est une maison flottante qui s'emboîte dans une autre, donc une demi-maison. Est-ce qu'on pourrait imaginer des maisons modulables en disant, voilà, on commence avec une maison à deux, et puis quand il y a des enfants qui arrivent, on va rajouter un bloc de maison. C'est quelque chose de pensable? Oui, ça c'est, je dirais que là, on est déjà projeté à plus long terme ou à moyen terme, mais ce serait imaginable d'avoir des maisons modules. On l'a déjà imaginé à l'aide de containers ou recyclés ou faits pour l'occasion, d'avoir une maison qu'on peut effectivement étendre. Hein, mais c'est quelque part, quand on rajoute une véranda ou qu'on rajoute un étage sur le toit, c'est déjà ce qu'on fait. On suivra ce dossier, on verra si le projet de maison détachable pour les couples divorcés voit le jour ou pas aux Pays-Bas. Merci Vincent d'être passé ce soir dans l'émission. Contre les piments qui brûlent, vous n'avez rien, vous n'avez pas de solution. Je n'ai rien du tout, un verre d'eau. Mais... écoutez, c'est ce que je fais. Merci Vincent, bonne soirée, il est 18h25. Oui, 5 à 7. C'est le moment que vous adorez dans le 5 à 7, on part en cuisine comme tous les soirs avec Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors, les petits gars, après le sushi burger, on a vu ça, le sushi cake, si vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur 1000 trucs, le sushi donut, ça honnêtement c'était une mauvaise idée. Les fans vont être comblés par la dernière création du genre, le mosaïque sushi. Avez-vous déjà entendu sushi. Ça Ah bah non, pas du tout. C'est la nouvelle tendance du food art from Japan. Moi, je suis pas tendance. Mais vous le devenez chaque jour davantage. Grâce à vous, oui. Ah, bon, évidemment dans un domaine restreint, la cuisine. Mais en même temps, ça peut être bien. C'est pas mal, hein, ça aide déjà. Alors, c'est un nouveau jeu de design culinaire. Ça consiste à composer des créations colorées de sushis cubiques qui sont assemblés délicatement. Les mosaïques sont censées être appétissantes. Ça reste quand même un plat. Mais vous avez donc une tendance qui se développe délicieusement créative, je dois bien dire, que vous pouvez suivre sur Instagram. Sur Instagram, vous trouvez tout. Vous tapez mosaïque sushi, vous allez trouver des choses absolument incroyables. Alors ici, on n'est pas non plus dans quelque chose qui sort du sushi. Donc on reste vraiment dans l'esprit du sushi servi en bouchée, mais on lui donne un petit côté arty qui est vraiment sympa et qui bluffe à coup sûr. Vous lancez là-dedans. Vous avez des vidéos sur YouTube pour réaliser des mosaïques sushi. Si vous avez déjà fait des sushis et que vous aimez l'aventure, ça c'est pour vous. C'est un truc qui va vraiment, vous allez kiffer à mort. La garniture du maki doit être symétrique. Pour que l'idée, c'est qu'on ait visuellement quelque chose de précis, d'esthétiquement gourmand. Vous avez des couleurs qui sont super importantes. Donc il faut vraiment choisir ces ingrédients de sorte qu'on ait un plaisir visuel. Et si vous avez envie éventuellement de vous lancer là-dedans, vous n'avez pas besoin de davantage d'ustensiles que vous n'en auriez pour des sushis traditionnels. Il faut juste choisir les bonnes couleurs, donc juste varier les ingrédients au niveau du plaisir. Et alors vous allez vous laisser inspirer, simplement ces vidéos sont la clé, hein. Vous allez vous laisser inspirer par ces chefs et même des particuliers qui se lancent dans l'aventure et qui font des trucs absolument merveilleux. Ça, franchement, ça, ça,

savoir s'ils pourront passer en deuxième année. Ce sont ceux qui ont réussi leurs examens de première, mais qui ne se sont pas bien classés au concours organisé fin juin. Au final, ceux qui ont réussi leurs 45 crédits pourraient passer en deuxième année. Mais du côté des étudiants, on demande aussi de revoir l'attribution des numéros INAMI et des quotas. Merci Franck, je vous offre un petit piment pour la route. Il y en a encore plein en studio. Je vous promets de pimenter l'info, mais à 19h. D'accord, ben on vous retrouve tout à l'heure. La météo tout de suite avec Dominique. Vous n'avez pas goûté les piments, vous, Dominique? Non, je me suis sauvée, vous avez vu. Bien joué. J'ai échappé à ça. La météo, pour le moment, l'émission n'est pas terminée. Ça dit quoi niveau ciel? Des étoiles la nuit prochaine et des minima de 10 à 15 degrés, donc une nuit douce en perspective. Demain, encore pas mal de soleil et de chaleur. Même plus chaud qu'aujourd'hui, 25 à localement 30 degrés. Le ciel deviendra plus nuageux en soirée. Vendredi, encore quelques passages nuageux, mais toujours de très belles éclaircies, un vent de sud-ouest et des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, comment ça roule? À 18h32. Ah ben c'est exactement ça. J'attends que vous parliez pour c'est pouvoir le faire. Vous en voulez aussi? Non, j'ai goûté déjà. Bien terminé pour l'accident dans l'échangeur de Haute-Titres. On parle du ring de Bruxelles, bien sûr, mais un véhicule est en panne en circulation intérieure à hauteur de Dilbeek. La bande du milieu est neutralisée vers Grand Bigard. Alors, des ralentissements sur le ring, mais il en reste deux particuliers. 20 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem-Grand Bigard et plus 10 minutes pour l'intérieur Grand Bigard-Zaventem. Un objet encombrant sur le 403 Bruges tourné. C'est à hauteur d'Étainpuis. Ce sont des coussins qui sont répandus sur la bande de droite en direction de Tournai. Mais attention, puisque l'automobiliste est en train d'essayer de les ramasser lui-même, ce qui est extrêmement dangereux. Il faut mieux attendre la police pour se faire. Soit. Sur le 19 Bruxelles-Mons, ça va beaucoup mieux aussi. Vous perdez encore une dizaine de minutes dans le chantier entre Arken et Feluy en direction de Mons. Donc 10 minutes perdues. Sur le 40, Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Cherat. Encore 3 km de ralentissement vers Bruxelles entre Barchon et Herstal. Et 50 minutes toujours perdues vers la Allemagne entre Halleur et Cherat. 15 minutes perdues également sur le 17 Gand-Lille entre Albeek et Neuville en Ferrin en France. Donc c'est avec au poste frontière. Et puis on signale un contrôle de vitesse sur le 42 Mons tourné entre Pomerol et Blaton. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Avant 19h, vous allez repartir avec 4 entrées pour aller découvrir un site touristique de Wallonie, un musée. Enfin voilà, vous allez pouvoir découvrir plein de choses parce qu'il y en a des choses à faire dans notre beau pays. Tout ça grâce au beau vélo de Ravel à 365.be à Ciné Télé Revue. Donc vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez Ravel par SMS au 6003 pour 75 centimes le message et vous repartirez avec 4 entrées pour aller visiter le château et les jardins de Frères. Donc si vous voulez repartir avec tout ça, donc Ravel au 6003, bonne chance à vous. Dans un instant, Pop Story avec Marc Touesca. On va parler aussi d'une vidéo qui fait le buzz avec une demoiselle qui saute de toit en toit à Paris. Ça porte un nom, cette discipline. C'est ce qu'on verra dans un instant dans ce 5 à 7. Et puis, à tout à l'heure, je vous parlais de cette vidéo, une autre vidéo qui fait le buzz. C'est deux filles qui décident de goûter le piment le plus fort du monde. Au moment où elles le goûtent, on les entend hurler, elles se roulent par terre. C'est une douleur dingue. On s'est dit dans l'émission, c'est pas possible qu'un piment fasse aussi mal. Tout à l'heure, Sophie, vous travaillez sur l'émission, vous avez dû goûter aussi, comme moi, un piment. Alors, on a fait un remake, pour le coup on n'a pas crié, je n'avais plus parlé, mais les gouttes de sueur sur le front, le nez qui coule, le palais et la langue qui brûle, c'était horrible. Et je ne sais pas vous, mais j'ai quand même mis un quart d'heure à m'en remettre. Ah bah écoutez, moi j'ai encore la bouche en feu, on l'a fait ça, ouais, il y a un petit peu plus d'un quart d'heure et ça pique toujours. Donc ne faites pas ça à la maison, déconseillé. C'est complètement stupide, ça ne sert à rien et donc oui, les piments ça pique. Merci Sophie. Oh bah, merci Cyril pour le coup. On va vous remettre tout ça en vidéo sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTB. Il est 18h35, il est l'heure de partir à Paris. Et avant de partir à Paris, on va aller à Saint-Aubin d'abord chez Ingrid qui est là au téléphone. Bonsoir Ingrid. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Ingrid, on parle de prénoms avec vous aujourd'hui, avec vous toutes et vous tous d'ailleurs, puisqu'on connaît les prénoms les plus donnés en 2015 en Belgique. Pour les filles c'est Emma, pour les garçons c'est Louis, ça ne change pas comme l'année précédente. Et vous, vous vouliez parler du prénom de votre nièce. Oui, mais je connais plusieurs Emma dans ma famille, donc justement, ça confirme l'information. Emma, ça fait 13 ans que c'est le prénom féminin le plus donné, c'est dingue. Voilà. En fait, on a été étonnés quand mon frère nous a annoncé la naissance de sa fille. Et il nous a annoncé donc le prénom de sa fille, Fanchon. Fanchon? Donc, oui, on était un peu étonnés, ça fait un peu Fanfreluche, vous savez, la poupée de Bobette dans... Ouais. La bande dessinée Bob et Bobette, voilà. Et c'est vrai que c'est original, il a trouvé ça où, Fanchon? Alors là, aucune idée. Faudra lui demander. Vraiment, aucune idée. Je pense que c'est ma belle-sœur qui a dû lui souffler l'oreille. Mais il a peut-être mal compris, non ? Pardon ? Il a peut-être mal compris, elle a soufflé un truc et c'était pas ça, mais il a dit ok, franchon, oui d'accord, on met ça. Non, non, c'était bien franchon. Ah bah c'est original en tout cas. Merci Ingrid d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a été étonnés en fait d'apprendre sur Facebook qu'il existait déjà une petite franchon et que son papa portait le même prénom que mon frère. C'est dingue David. Ça ? Et donc voilà, David et Franchon existent en double, mais ce ne sont pas des clones. Et figurez-vous que pour pousser le bouchon encore plus loin, ils ont le même nom de famille. Ah bah ça c'est dingue, vous êtes sûr que c'est pas la même personne ? Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas de notre famille, donc c'est certainement des cousins éloignés. Ah bah ça c'est drôle comme histoire. On était triplement étonnés. Ah bah je vous comprends. Bah Ingrid, merci pour cette belle histoire et puis je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de Vivacité. Bonne soirée également. À bientôt Ingrid, il est 18h37. 5 à 7. Vous avez peut-être vu cette vidéo, on voit les toits de Paris et sur ces toits, une demoiselle qui saute, qui parcourt de toit en toit, qui rentre même chez les gens. Alors, il y avait une question autour de cette vidéo, est-ce que c'est une vraie vidéo ? Au final, c'est une pub pour une marque, mais la vidéo fait un énorme buzz, elle tourne beaucoup sur Facebook. Et on va parler de cette discipline, parce que passer de toit en toit comme ça, ça a un nom, ça s'appelle le parcours, avec un K, donc P-A-R-K-O-U-R, et il y a une école qui apprend le parcours chez nous. Jérémy Lorsignol, vous êtes cofondateur de l'ASBL Free Run It à Montigny-le-Tilleul. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors ce qu'on voit dans cette vidéo, cette fille qui passe de toit en toit, c'est quelque chose qui peut s'apprendre ? Oui, oui, tout à fait. Tout le monde peut commencer à tous les âges. Tout le monde peut essayer. Il n'y a aucun souci avec ça. Chacun commence à son niveau. Et puis il suffit d'être bien dans sa tête et commencer, il n'y a pas de problème avec ça. Il suffit d'être bien entraîné aussi, parce que pour passer de toit en toit, il faut quand même être bien accroché. C'est autorisé de le faire ? C'est-à-dire que demain, dans n'importe quelle ville, on peut commencer à se balader sur les bâtiments ? Bah, il faut faire attention, évidemment, quand on s'entraîne en extérieur, il ne faut pas monter sur des lieux privés. En général, on est plus sur une place, dans un lieu public, sur lequel on essaie de ne pas dégrader, évidemment, d'accord, parce que le fait de respecter, c'est important. Mais sinon, c'est vrai que ce n'est pas toujours bien vu. Mais lorsqu'on a une remarque, on peut toujours discuter, expliquer un peu ce qu'on fait. Et là, les gens comprennent qu'on n'est pas des gens qui sont là pour dégrader, pour faire quelque chose de mal. Et tout de suite ça change au niveau de l'esprit. Et puis c'est vraiment un vrai sport, ça demande un entraînement. Il y a d'ailleurs donc cette école qui a été créée. C'est venu comment ? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de centres sportifs pour faire du sport entre guillemets traditionnel qu'on s'est dit bah, utilisons le mobilier urbain pour le faire ? Le parcours, c'est une discipline qui est née en France il y a environ une vingtaine d'années. Et en Belgique, on a décidé d'ouvrir une école parce que lorsqu'on a commencé, moi je fais partie de la première génération. Et on s'est dit, voilà, les jeunes qui veulent commencer à faire ça, ils vont commencer comme nous, ils vont sauter de 4-5 mètres de haut, ils vont s'abîmer les articulations. Ouais. Et comme on a tous une formation de prof d'éducation physique, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de commencer à apprendre ça correctement dans le respect du mobilier urbain, dans le respect de son corps et voilà, apprendre un peu aux jeunes à maîtriser leurs limites sans les dépasser. Et comment on sait justement où est la limite ? Parce qu'il faut savoir si on saute du toit ou pas, si on arrive bêtement, enfin, je suppose que parfois il y a du vide entre deux toits, il faut savoir si on va arriver à le faire ou pas. Oui, oui, c'est sûr, il y a du vide, il y a du danger. Maintenant, il faut juste savoir s'entraîner correctement. Si on sait s'entraîner au niveau du sol et qu'on connaît son corps, qu'on connaît les distances qu'on est capable de faire et qu'on progresse doucement, qu'on va à son rythme, bah à ce moment-là, si on fait un saut un peu plus impressionnant avec du vide, on sait qu'on est capable de faire, on le fait. Si on est bien dans sa tête et dans ses baskets, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est sûr que si on fait un peu la tête brûlée, à ce moment-là, ça devient dangereux. Et c'est aussi ça qu'on essaie d'enseigner aux jeunes, c'est de pouvoir progresser à son rythme en respectant ses limites et savoir ce qu'on est capable et ce qu'on n'est pas capable de faire. Alors la discipline est donc encore assez confidentielle, le parcours, il y a cette école Free Run It à Montigny-le-Tilleul, ça coûte cher de s'inscrire, de faire ça ? Je vais dire tout dépend un petit peu du rythme des entraînements, je pense que c'est pas particulièrement cher dans le sens où c'est une activité qui est très très particulière, c'est la seule école qui existe en Belgique, on essaie d'ouvrir de plus en plus de cours, ça a de plus en plus de succès. Et y a moyen de s'entraîner pour progresser à son rythme, pour l'ambiance de la salle, parce que l'ambiance est vraiment super chouette. Et y a moyen de venir aussi s'entraîner tous les jours. Donc c'est sûr que ça va peut-être coûter un petit peu plus cher à ceux qui viennent tous les jours. Mais sinon, non, c'est quelque chose d'abordable, évidemment. Bah, la discipline, donc je le disais, n'est pas encore très connue, mais n'hésitez pas, on va vous mettre le lien sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF, freerunit.com, si jamais vous voulez faire comme cette demoiselle dans cette pub pour une marque française de livraison de cadeaux. Merci Jérémy d'être passé ce soir dans l'émission, je vous souhaite une bonne soirée, oui, à bientôt. Au revoir, soirée, à bientôt. Il est l'heure tout de suite de s'intéresser à l'histoire de Void comme tous les soirs, c'est Marc Toesca qu'on retrouve pour Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story vous propose une petite sélection de chansons dédiées aux amis sur lesquels on peut compter. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les vrais poteaux, quoi. Ah, ça y est, t'as décidé de me faire chier. Je vais pas te faire chier longtemps parce que j'irai pas plus loin. Quel vérole, celui-là. La plus célèbre de toutes reste 40 ans après sa création, With a Little Help from My Friends, des Beatles, qui serait, selon les spécialistes, la dernière chanson que John et Paul aient écrit ensemble, assis côte à côte, un symbole. Pour les esprits un poil plus rock'n'roll, dans cette chanson « With a Little Help from My Friends », John Lennon rendrait un hommage très appuyé à toutes sortes de substances et de drogues, accusation que l'ex-Beatles a toujours niée. C'est au petit matin, à l'étroit dans la deux chevaux du chanteur barbu, que Julien Clerc et Maxime Le Forestier écrivent « Amis », un texte qui célèbre l'amitié entre deux artistes issus de la même génération. « Amis, amis, à la vie, comme à la mort, plus emmêlé que nos cheveux. Je sais pas ce qu'il m'aura tué de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être salon. Pop Story. L'amitié entre un homme et une femme, ça fonctionne aussi. En pleine période hippie baba cool, tout le monde s'aime avec des fleurs dans les cheveux. James Taylor culmine alors au sommet des hit-parades avec You've Got a Friend, une chanson écrite par sa copse Carole King. Quatre décennies plus tard, ce morceau illustre toujours l'esprit des années 70 et du Peace and Love. You just call. Des blousons de cuir, des chaînes de vélo et des loubards, Renaud est un seigneur au cœur tendre. Le Pierrot de sa chanson est adressé à ce fils qu'il espère mais qui ne viendra pas. Ce fils à qui il aurait pu apprendre à faire de la mobilette, boire des bières, aimer le rock et l'accordéon et éventuellement partager une bonne baston. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Il faut remonter jusqu'en 79 pour retrouver Renaud version Titi, chanson pour Pierrot. Pop Story. Histoire des hits. Avant 19h dans le 5 à 7, il y a encore plein de choses à faire. 19h, vous avez rendez-vous avec le Tip Top, la quotidienne avec Philippe Jonion. D'ici là, des cadeaux à remporter. Je vous rappelle que vous repartez avec des entrées pour aller visiter un magnifique château et des jardins du côté de Frères. C'est maintenant que ça se gagne. Il faut envoyer Ravel, R-A-V-E-L au 60-03. Et puis, on va s'intéresser aux renards. Il n'y a jamais eu autant de renards visibles dans les 19 communes bruxelloises. Alors, on verra ce qu'il y a comme animaux à Bruxelles et ailleurs dans quelques minutes. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame. Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Madame a fait son choix. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. Splendide. Nous sommes donc sur une croustade boulangère, espuma de jambon ibérique et croquant de comté affiné. Ok. Vous avez du ketchup? Puis-je suggérer à madame notre splendide chutney de tomates toscane? Très bien. J'ai même envie de dire splendide. C'est le moment d'upgrader votre vie chez Nerlinio Car en profitant d'une splendide réduction de 2500 euros sur une sélection de Mercedes classe C berline d'occasion récente. Offre limitée. Voyez vite sur nnc.be. Nerlinio Car. By Mercedes-Benz. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Dis papa, c'est quoi un transfert de compétences? Oula, c'est comme au foot. Tu vois les transferts de joueurs? Eh bien imagine qu'un joueur s'appelle justement compétences. Et paf, on le transfère. C'est le transfert de compétences. Elle est bien celle-là, je l'ai notée. Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la LAN. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Vive à Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les 3 mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Mais qui est la bolette? Je sais pas si on les entend, mais en tout cas, on les voit, les renards à Bruxelles. Il n'y en a apparemment jamais eu autant en région bruxelloise, sur les 19 communes. On compterait à peu près, même si le chiffre est difficile à vérifier, 3000 renards. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a autant en ce moment? On va en parler tout de suite avec Serge Kempeners. Vous êtes directeur de la division Espace Vert à Bruxelles Environnement. Bonsoir Serge. Bonjour. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, beaucoup de renards à Bruxelles. On sait pourquoi particulièrement en ce moment? Alors pour le moment, c'est la période où les jeunes quittent les terriers, c'est pour ça qu'on les voit beaucoup plus. Ils sont un petit peu aux aguets de tout, ils sont comme ce sont des jeunes, ils connaissent pas très bien les règles de vie en ville, donc ils se hasardent parfois sur les voiries, sur les trottoirs, ils sont pas très très peureux et donc c'est pour ça qu'on en voit plus pendant cette période-ci. Il y a un risque à ce qu'il y ait des renards en ville ou pas ? Absolument aucun risque avec les renards. Ce sont des animaux qui sont extrêmement utiles dans la ville. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, ils se sont étendus en profitant des réseaux verts, des voiries, des voies ferrées, etc. Ils ont profité aussi du nombre de poubelles qu'il y a dans les rues. Et donc, comme ce sont ce qu'on appelle des animaux ubiquistes, ils profitent de tout. Ils s'adaptent très, très vite. Ils sont très intelligents. Mais il n'y a pas de risque avec le renard. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres animaux surprenants qui se baladent dans nos villes? Alors, on a effectivement pas mal d'autres animaux dans les petits mammifères, mais on a de l'hermine, de la belette, de la fouine, par exemple. La fouine qu'on retrouve très souvent dans les capots de voitures et qui pose parfois des problèmes puisqu'elle va grignoter des câbles électriques et des choses en ce goût-là. Et puis, dans les batraciens, on va en trouver des nouveaux également. On trouve même, mais là, on est dans ce qu'on appelle des espèces invasives, ce qui n'est pas vraiment le cas du renard. Le renard, c'est vraiment une espèce indigène et qui profite du milieu. Mais on a, par exemple, des crabes chinois qui se retrouvent dans le canal et dans la Seine. Et là, on est avec un très, très gros problème, c'est celui des espèces invasives. Donc, effectivement, ils n'ont pas grand-chose à faire là. Mais merci, Serge, pour vos explications. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Alors, à propos d'invasion, en ce moment, Dominique, il y a une invasion un peu stressante pour les arachnophobes. Surtout pour vous, Cyril, je pense. Ah, je déteste ça. Les araignées sont de retour. C'est la fin de l'été. Elles ressortent de leur cachette, tout ça. Je préfère les renards, vous voyez. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce qu'elles viennent faire chez nous, les araignées ? Comme vous dites très sagement, l'araignée, ça fait peur quand on la voit, mais ça fait encore plus peur quand on ne la voit plus. C'est ça. Parce que quand on la chasse, on a un stress supplémentaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a plein d'araignées en ce moment ? Eh bien, parce qu'elles rentrent, parce que c'est la saison des amours, tout simplement. Donc elle ne peut pas faire ça dehors. Dans les maisons, dans les greniers, même dans les salles de bain, pour tout simplement se reproduire. Le mâle cherche la femelle. C'est la saison de la reproduction, donc elles sortent de leur cachette pour apparaître un petit peu partout, surtout pour nous faire peur parfois, effectivement. Mais attention, quand même, ne craignez pas trop ces araignées, puisque dans nos contrées, et certains experts vous le diraient et le confirmeraient, elles ne sont pas dangereuses, même s'il y a quand même de grosses bestioles, de grosses spécimens. Il y a des trucs avec des pattes immenses. Voilà, ce n'est pas dangereux et ça a même plutôt des avantages, parce que ces araignées peuvent nous débarrasser d'autres insectes comme les moustiques ou les pucerons. Ouais. Donc, c'est un avantage et c'est un équilibre et une utilité dans l'écosystème. Ouais, sinon, il y a des anti-moustiques. Ça marche pas mal aussi. Ouais, mais que les araignées restent tranquilles dehors, pour qu'elles sont obligées de venir chez nous. Pour se mettre un petit peu à l'aise. Est-ce que nous, on va profiter de temps en temps quand on veut s'allonger plutôt que d'aller dans un hamac ? Est-ce qu'on va dans leur toile d'araignée ? Non ? Alors qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter ? C'est terrifiant, les araignées. Merci Dominique. Bonne soirée. Voici le best-of des enfants de cœur avec la semaine de James Zino. Les enfants de cœur. Pourquoi ? Pour qui ? Où ça ? Avec qui ? Quand ça ? Combien ? À quelle heure ? À quelle heure ? Saviez-vous ? Mais comment ? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Elio Giannico. Alors j'ai quelques questions donc à vous poser. Alors, imaginez donc, vous vous réveillez un jour dans la peau du Premier ministre. Justement, vous avez parlé d'Elio Di Rupo. Elliot Di Rupo, par exemple. Ouais. Di Rupo. Quelle est la première décision que vous prendriez ? Je change de sexe. Directement. Et au niveau de la culture ? Je change de culture. J'arrête le cannabis et je pense aux choses sérieuses. D'accord, vous changez de sexe, vous prenez un plus grand ou un plus petit ? Je prends, bien entendu, plus petit parce que c'est très difficile à vivre. Moi, je pensais qu'on allait relever le niveau pour la première émission de la saison. C'est encore bien pire que d'habitude. Non, moi, je me suis dit, je vais me mettre au niveau. Au diapason, d'accord. Continue, mon cher. Alors, Elliot, vous avez donc un visage très charismatique, très typé, très reconnaissable. Est-ce que c'est vraiment le hasard si vous avez le prénom du gamin de E.T. et la tête d'extraterrestre qui va avec ? Je ne répondrai pas à cette question. Il est ceinture noire de karaté. Oui, il ne faut pas faire le malin avec Elliot, il est ceinture noire de karaté. Je ne veux pas dire son épouse et sa fille au premier rang, elles sont mortes de rire sur cette question. Mais ceci étant dit, Elliot m'a expliqué tout à l'heure pourquoi il avait pris Elliot, parce qu'on l'appelait tonton Elliot dans la famille, parce qu'il imitait très bien Elliot le petit dragon. Et tu voudrais que je fasse tonton le... Éventuellement, si tu veux le faire, tu veux que je fasse tonton ou Elliot le dragon. Le dragon. Et s'il y en a un d'entre vous qui a perdu son briquet, il peut même vous allumer une clope à la sortie. Évidemment, la radio, c'est plus compliqué, mais bon. Alors, plus sérieusement, donc vous l'avez dit évidemment, la Comédie Française. Si vous deviez fonder la Comédie Belge, qui vous prendriez comme acteur pour faire ça ? Oh là là ! La réponse Dominique est facile. Dominique Poitrin, Christophe Bourdon, Cody et James Dino. Oui, c'est la bonne réponse. Et il a fait un sans faute, il n'a pas dit Brunin. Mais moi je fais quoi ? Il aurait son fauteuil, il est mort. Metteur en scène, Jacques, metteur en scène. Alors Elliot, vous êtes donc mime à la base, hein, donc vous êtes donc. Ça fait mal ça. Vous êtes mime, donc vous êtes donc dans la gesticule. Est-ce que quand on est dans la gesticule, on jouit encore plus quand on prend une standing ovulation ? Ah oui, mais il y a des jeux de mots les amis. Ah oui. On bosse. Là c'est le mime qui vous répond parce que la question est très compliquée. C'est une question qui est très visuelle en fait. C'est-à-dire qu'on maîtrise parfaitement la situation, je pense. Avec gesticule, il y avait un autre jeu de mots possible. Gesticule, hein. Oui, il y avait un autre rythme. Non, mais il a dit en coulisses qu'il avait fait du karaté pendant 25 ans, c'est ça ? Il fout la scrouille. Qu'on vous appelait le mime martiaux. Oh oui. Elle est pas mal, Elliot. Non, Marcel Marteau. Ah oui. Les applaudissements, c'est soit tout le monde, soit personne. Pas dit personne. Allez, question. Attends ta chronique, je verrai si c'est tout le monde ou personne. Alors Elliot, vous êtes donc passé du mime, donc c'est-à-dire du muet, à la Comédie Française. J'ai jamais fait du muet, attention. Non, mais c'est, on va dire qu'on a un souci, le mime a du muet. Ah, c'est pas la même chose. Buster Keaton était muet, Elliot n'était point muet. D'accord, donc Elliot bruitait, Elliot chantonnait, croassait, zigouillait, voilà, mais j'étais pas muet. Mais c'est vrai que je n'étais pas un acteur de texte. D'accord, ben vous me niquez un peu ma... C'est mon rôle. c'est pas grave, c'est chacun son tour, c'est normal. Non, parce que j'ai dit, vous êtes passé du mime à la Comédie Française. Ouais. Est-ce que vous pensez que les politiques français devraient faire le trajet inverse? C'est-à-dire arrêter de faire la comédie et faire leur gueule un petit peu? Non, parce qu'ils n'auraient aucun succès. Ils n'auraient aucun succès. Ils ne sont pas très bons. Hein. Bah, ils n'en ont déjà pas maintenant. Enfin, en Belgique, c'est pas pareil. Hein. Excusez-moi, non. Là, j'ai foutu un froid. Là. Une dernière question, Jean-Jacques, je peux une toute dernière? Oui, vas-y. Ouais, c'est pas une question rigolote. Si vous aviez une imprimante 3D, qu'est-ce que vous imprimeriez maintenant directement en premier lieu? Ma femme. Oh, c'est bon! Mais quelle réponse superbe! Comment partir mieux que ça? Ah oui. Les enfants de cœur seront de retour demain soir dans le 5 à 7. Bravo à Jean-Marc de Dossois qui repart avec ses entrées pour aller visiter le château et les jardins de Frères grâce au beau vélo de Ravel 365.be et ciné télé revue. On remet ça aussi demain soir dans l'émission. Et puis là tout de suite, c'est Philippe Jauniot qui prend la place pour le Tip Top. Bonsoir Philippe. Oh, que c'est mignon, ça. Ah, vous allez faire la fête ce soir dans le TikTok? Évidemment. C'est un jour un petit peu particulier pour moi. Vous avez 20 ans, c'est pas tous les jours. Pas longtemps. C'est pas tous les jours, effectivement. Je deviens majeur et donc je peux continuer à présenter le Tip Top, Cyril. Une excellente soirée. Profitez bien, faites bien la fête ce soir, Philippe. Ah, c'est gentil. Merci, Cyril. À demain pour un nouveau 5 à 7. On arrive avec Chris Cab dans le Tip Top. C'est juste après les infos. Badabing à 9e. Bienvenue au Godillo, la référence toute marque en chaussures pour toute la famille et le plus grand choix en pointure femme du 35 au 42. Route de Genneval 31 à Lannes, vaste parking. Godillo, service et qualité en amour. Ouvert ce dimanche de 14h à 18h. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fibre. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Franck Ruel, bonsoir. L'homme qui a attaqué au couteau une patrouille de police cet après-midi à Molenbeek a été rapidement interpellé. Le suspect est en séjour illégal chez nous. D'origine marocaine, il a déjà reçu plusieurs ordres de quitter le territoire, dont le dernier il y a un mois à peine. Les motivations de l'agresseur ne sont pas connues, mais selon le parquet de Bruxelles, il n'existe aucun indice liant cette attaque à un acte terroriste. Les deux policiers, un homme et une femme, sont indemnes. Ils ont été protégés par leur gilet pare-balles. Après Caterpillar et AXA, l'inquiétude chez Etias. Bernard Thierry, le patron de l'assureur depuis 2008, a été démis de ses fonctions. Le personnel l'a appris ce matin lors d'un conseil d'entreprise. Aucun motif officiel à cette décision, mais ce licenciement serait à mettre en lien avec la volonté de l'État belge de rapprocher Etias de Belfius.